Alors bonjour tout le monde, bienvenue au quatrième chapitre de Histoire de Gamer. Aujourd'hui, j'ai une personne que vous connaissez sûrement tous. Il écrit sur le blog de Best Buy, mais vous le connaissez sûrement plus comme étant une personne très très régulière à Monsieur Net, à Musique Plus, et j'ai nommé Tristan Geoffroy. Salut Tristan! Salut Luc! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Je sais que t'as gamé pas mal hier soir. On va essayer de faire ça d'une manière rapide pour que tu puisses passer à d'autres choses aussi. Faire une petite sieste! C'est ça, je veux pas prendre trop de ton temps. Pas de problème. Fait que Tristan, t'es vraiment un des quatre personnes qui est vraiment tout le temps, qui travaille en permanence pour le show de Monsieur Net. Il y a toi, il y a Denis, il y a Claude Arson, puis il y a Stéphane Morissette, Momo, qui est le producteur du show. Réalisateur. Excusez. Producteur, c'est Denis. Producteur délégué, ouais. Tu sais, je connais tellement les termes de télévision. La seule différence, c'est que les deux s'ostinent. Ah, ok, c'est bon. Mais ça prend quelqu'un pour s'ostiner, sinon c'est pas là. Voilà. Comment t'es arrivé là? Comment t'as décroché ce poste-là? Je sais que j'imagine que t'as commencé comme tout le monde en bas de l'échelle, puis t'as monté les rangs. Ou écoute, comment ça s'est passé? Ça s'est passé déjà il y a quelques temps, parce que ça fait pas loin de 10 ans maintenant, plus de 10 ans que je suis à Musique Plus. Mm-hmm. Et en fait, j'ai commencé avec un site web que j'avais il y a à peu près une quinzaine d'années, qui s'appelait Execo à l'époque, qu'un ami m'avait fait pour mon anniversaire. À l'époque, le web, c'était pas encore aussi impressionnant que maintenant. Et donc, il m'avait dit, pour ton anniversaire, je t'offre un site web de jeu, etc. Donc, il m'avait fait un petit site web, puis j'avais commencé à faire des critiques de jeux comme ça, à titre personnel, qui me rapportaient rien, quoi. C'était pour m'amuser. Mm-hmm. Et donc, à l'époque, j'étudiais encore à l'université, administration des affaires, puis c'était pas une voie qui m'attirait plus qu'il faut, c'était plus une voie fourre-tout où j'étais sûr de pouvoir ensuite rebondir sur n'importe quelle industrie. Puis étant fan de jeux vidéo, je me suis dit je pense que je vais m'en aller sur le web. Donc j'ai commencé à chercher, voir si je pouvais trouver du boulot là-dedans, et il s'est avéré que j'ai eu vraiment beaucoup de chance au niveau timing, parce que je suis tombé chez Branchez Vous, qui à l'époque était encore indépendant. Maintenant ils se sont fait racheter par Rogers, mais avant c'était indépendant, et donc ils cherchaient un rédacteur en chef de site de jeu, et il s'avère que mon site avait été sélectionné dans leur site francophone favori pour les jeux vidéo, donc ça partait déjà bien. Ça commence bien, oui. Ça commence bien. Et puis ils avaient aussi un petit concours marrant avec un personnage qui s'appelait Webinette, qui en fait faisait donc à chaque Saint-Valentin, il demandait à plusieurs personnes du web, enfin aux gens qui consultaient son site, de lui faire une sorte de déclaration d'amour virtuelle. Et donc moi, comme mon site web on avait designé avec mon pote un personnage, une mascotte si tu veux, qui s'appelait Epileptix. Epileptix a écrit un poème d'amour à Webinette, et il s'est avéré que c'est mon poème donc qui a remporté le prix. Donc de l'année, et donc j'ai postulé quelques mois après, donc disons que ça a ajouté un petit peu de chance de mon côté. Je suis rentré chez Branchez Vous quasiment tout de suite, parce que le rédacteur en chef de site de jeu venait de partir à l'époque chez TVA pour Cyberclub, où j'ai travaillé aussi par la suite, et donc voilà. J'ai encore, après, le milieu du jeu vidéo, tu sais, c'est pas très très grand. À force de faire les mêmes conférences de presse, les mêmes événements médias, tu finis par croiser plus ou moins tout le monde. Mm-hmm. Et c'est en 2001 que je suis rentré chez Monsieur Net. Donc Denis m'a dit, tiens, cherche quelqu'un, si ça te tente, tu pourras embarquer sur l'équipe. Donc comme ça faisait plusieurs fois qu'on se croisait, etc., j'ai commencé à travailler comme recherchiste. Et puis tranquillement, écoute, il a vu que j'étais capable de parler sans trop m'enfarger. Oui. Donc je suis passé de l'autre côté de la caméra, mais officiellement, je suis toujours assistant réalisateur, reporter, chroniqueur, slash tout ce que tu veux, quoi. Pas mal de choses. On n'est que quatre pour faire l'émission, donc faut être un petit peu polyvalent pour réussir à remplir toutes les fonctions, quoi. Bah, t'as pas tellement le choix, hein. Tu peux pas déléguer à trop de monde, parce qu'il y a pas beaucoup vraiment de monde en bas de toi. Non, c'est ça. On est un petit peu, c'est un avantage et un inconvénient en même temps, parce que c'est sûr que c'est toujours pratique d'avoir une équipe à qui tu peux donner des directions pour t'aider dans ton travail, mais c'est aussi pratique d'être indépendant, d'être libre de tes faits et gestes, et puis de pouvoir travailler à ta façon. Puis bon, maintenant, ça fait longtemps qu'on travaille les quatre ensemble. Donc on a une mécanique qui est assez bien huilée, puis le show marche bien, donc disons qu'on n'a pas trop à se plaindre. Non, ça marche très bien. C'est un show qui est apprécié. Je pense que tout le monde aime ça. Tout le monde aime comme j'ai déjà dit à d'autres gens, c'est l'espèce de chimie qu'il y a entre vous autres. Puis même les chroniqueurs qui viennent une fois par semaine, tu vois qu'il y a comme sais, comme une belle chimie. Il y a tout le temps des petites blagues, tout le temps. Tu sais, c'est pas un show qui est straight, là, qui a l'air vraiment là, carré, où ce que personne peut exprimer ses petits commentaires, des choses comme ça. Ben, on essaie de faire de la nouvelle, enfin de la nouvelle, de l'actualité, puis de la critique, sans être plate non plus, parce que à la base, quand tu joues, c'est pour avoir du fun. Donc si tu parles de jeu et puis que t'es plate, c'est que t'as manqué un petit peu ta cible, parce qu'à la base, c'est supposé être le fun. Donc même s'il y en a qui prennent ça très au sérieux et qui sont très sensibles sur certains points, notamment tous les fanboys qui a sur toutes les plateformes qui existent, nous on se fait un malsain plaisir des fois à les piquer à droite à gauche. Et puis quand un jeu est pas bon, on le dit, quoi. Contrairement à plein de sites web que je ne nommerai pas, c'est pas parce qu'on a une campagne de pub de telle compagnie qu'on va être plus doux avec cette compagnie-là ou quoi que ce soit. Nous, on s'en fout. Si le jeu est merdique, on le dit. Puis ça a toujours été notre brand, puis on essaie de le conserver. On n'est pas là pour passer de la pommade aux compagnies quand ils font des produits pourris. On se prépare pour le dire généralement. Non, puis le meilleur exemple de ça, c'est quand vous aviez fait la critique du jeu Avatar, puis que Ah. pendant l'émission, ben Ubisoft avait acheté des spots publicitaires pour Avatar. Ouais, mais c'est Là, ça. tu regardais que Denis venait de planter le jeu, puis là, tu regardais, puis tout de suite après, c'était l'annonce. Tu dis, ah, ok. C'est les risques du métier, qu'est-ce que tu veux. C'est sûr que moi, c'est un truc qui m'énerve un petit peu sur le web, c'est que les sites web ont vraiment une portée qui est beaucoup plus importante que nous, évidemment, parce qu'ils sont internationaux, ils passent les frontières. Au-delà de la langue, évidemment. Mais il y a de plus en plus de sites qui, malheureusement, je trouve, sont biaisés, puis n'arrivent pas à sortir comment dire, des critiques, on va dire, indépendantes et loyales, quoi. Ou du moins, pas loyales, mais je trouve honnêtes, on va dire. Et sur un site qui donne des 10 sur 10 à 3-4 jeux de suite, à un moment donné, tu regardes c'est ça. Ça. Quand tu arrives sur un site, par exemple, quand Brink était sorti de Bethesda, je me rappelle, il y avait des sites qui étaient quasiment aux couleurs du jeu, bord en bord, puis qui lui mettaient 10 sur 10. C'est sûr que là, ça commence à devenir louche, quoi. Donc, quand ton site est aux couleurs du jeu, que tu as des pubs partout et que tu mets une bonne note, forcément, tu te poses des questions, quoi. Ceci dit, il y en a qui pourront plus se poser des questions aussi au sujet de Deus Ex, parce qu'une partie de l'équipe a travaillé sur le making of, puis je lui ai mis une bonne note. Mais moi, j'ai pas travaillé sur le making of, j'ai pas travaillé avec l'équipe qui a bossé sur le jeu, donc c'était vraiment un point de vue très personnel. Puis moi, j'étais un gros fan du jeu, donc c'est sûr que c'est pas toujours évident des fois de faire la juste part entre ce qu'on pense et ce qui est la réalité. Mais dans le cadre de Monsieur Net, on est vraiment impitoyable à ce niveau-là, on fait pas de cadeaux généralement. Mais des fois, c'est pas pire de faire une critique quand tu es justement fan, parce que si tu es déçu, tu peux être comme plus. Peut-être plus méchant ou plus. Ben, j'avouerais que pour le lancement de Deus Ex qu'on a fait en direct, donc du lancement en tant que tel du jeu au Sourd du Port avec Eidos, moi j'avais prévenu les gars, je leur avais dit si le jeu est pas bon, je vous préviens, je fais pas ma critique ce soir-là, parce que je veux pas faire ma critique le jour du lancement, puis leur dire que c'est une merde, ça va être mal placé, désagréable. Ce serait pas et bon. Ouais. Ce serait pas très très agréable pour eux non plus. Mais donc c'est pour ça que j'ai dit bon, mais écoutez, j'ai joué au jeu, on peut faire la critique pendant le show, y a pas de problème. Moi je suis un gros gros fan du premier. Beaucoup moins du deuxième, qui avait été selon moi très décevant. Donc j'avais un petit peu craintif quand ils m'ont dit qu'ils rebootaient la licence il y a de ça quelques années déjà, parce que c'est même nous qui avions eu l'exclusivité. On avait fait le tour des médias sur le web à cette époque-là, quand on avait reçu un monsieur dont je ne me rappelle plus le nom malheureusement, qui était donc le chef de Eidos France, qui était donc venu à Montréal pour inspecter un petit peu les emplacements, ouvrir le studio. Et qui, pensant qu'il parlait à un petit show qui personne ne regardait, avait sorti « Ah, puis on pense développer Deus Ex, etc. » s'est retrouvé sur tous les plus gros sites, Kotaku compris, qui faisaient référence à Motion et Music Plus. Donc c'est toujours agréable de voir que on a notre petite heure de gloire, même au niveau international. Ouais, je me rappelle avoir lu des articles, puis je trouvais ça... J'étais fier de voir qu'un show que moi j'aime personnellement, puis qui est... petite communauté au Québec avait sorti, c'était partout sur plein de sites. Je me suis dit, ah, tu sais, ils ont eu un scoop. Puis après ça, ben, vous en avez eu d'autres à cause de Stéphane Dastou qui est à Montréal, qui est ouais. un gars super sympathique aussi. Ouais, exact. Puis, mais Deus Ex a été finalement un excellent jeu, puis tout le monde est pas mal d'accord là-dessus. C'est un peu oui. décevant qu'il n'ait rien gagné, là. Mais. Mais moi je trouve qu'ils ont fait un excessivement bon travail, considérant d'où ils partaient avec un moteur qui était quand même, prodé, qui était assez vieillissant, qui était le moteur de Lara Croft, avec une licence qui était extrêmement attendue par un paquet de fans. C'était très délicat, ils avaient une bombe entre les mains, quoi. S'ils la faisaient tomber du mauvais côté de la ligne, ça pouvait leur péter à la gueule. Ils s'en sont vraiment bien bien sortis. Ils ont fait un jeu qui était crédible, cohérent, bien réalisé, qui offrait des défis, intelligents. Donc, non, j'ai été agréablement surpris. Puis en plus, visuellement, je veux dire, même si le moteur était assez vieillissant, ils ont réussi à donner une direction artistique assez, assez bien au jeu. Donc je pense que vraiment à Montréal, on a du potentiel. Puis je pense que les deux, c'est pas fini de nous surprendre. Non, ils s'en viennent avec Thief 4, qu'on sait qu'ils Ouais. travaillent dessus. Ah, Puis puis d'autres projets dont j'ai connaissance, dont je ne peux pas vous parler, mais à mon c'est avis, sûr. vous allez rester sur le cul pas mal d'entre vous. Ah, j'ai hâte de voir Je peux ça. juste vous dire ça. Ça va en surprendre plus d'un. Il y a des premières mondiales qui s'en viennent. Ah, c'est le fun. On a hâte de voir ça. Parce que c'est un studio qu'on a appris à aimer à Montréal, justement, à cause qu'on a eu accès grâce à vous autres, puis grâce aussi à Denis avec Radio Talbot, à Stéphane Dastou, à Monsieur Anfossi, à certains des gars qui ont travaillé sur le jeu. Moi, j'ai eu la chance d'aller les rencontrer au studio quand j'ai fait signer la copie que j'ai fait tirer de Deus Ex. Il était super fin, là. Je veux dire, j'ai vu presque tout le monde, puis ils m'ont tous serré la main, puis même la fille qui avait écrit l'histoire, la dame qui avait écrit l'histoire avait pris le temps de me parler, puis elle voulait même faire un don, puis j'ai dit, ben c'est pas, je veux pas prendre de cash, ça paraît mal, tu sais. Fait que j'ai dit, si vous voulez, je peux vous donner le site PayPal, tu sais, mais elle était super, super Non, gentille. c'est vraiment une très très bonne équipe. Ils Ouais. sont pas assez des humains, écoute, tout simplement. C'est pas plus, y a pas de star là-dedans. Moi, j'en ai croisé quand même. J'en ai interviewé pas mal des créateurs de jeux. Puis il y en a des pas mal plus péteux de brou que ça là. J'imagine, oui. Je ne nommerai personne. Cliff Bleszinski. Oh, ok, oui. Ouais, non, non, il y a des gars. Cliff, au début, c'était marrant parce que quand tu faisais l'entrevue au premier Gears of War, il était tout timide, limite vraiment geek typique avec ses petits tics. Et puis déjà au deuxième, c'était grosses lunettes de soleil, les manches remontées sur le t-shirt. En tout cas, c'était assez Monsieur drôle. Rockstar. Exact. Ouais. Exact, exact. C'était assez drôle de voir comment les gens se font assez vite cataloguer puis se placent dans des niches quand ils réussissent à faire un titre ou deux. Mais en tout cas. Il y a des gens qui sont pas capables de prendre la popularité ou de. Aussitôt que tu commences à reconnaître la personne pour quelque chose de super qu'ils ont créé, ça leur monte à la tête, non? Mais je veux dire, Ben, il oh faut ouais. vivre avec ça. Avec ça, mais c'est sûr que bon, il en a fait des bons, des jeux, il en a vendu beaucoup, monsieur Blazinski, mais. Oh oui. Pour moi, c'est quand tu crées toujours la même chose, à un moment donné, ça a ses limites. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il est capable de faire d'autre que du Gears of War. Parce que pour l'instant, c'est bien gentil, mais il nous a montré que ça. Donc, moi, j'attends de voir la suite. Ils ont fait Bulletstorm, mais ça a pas. Ouais, bah, c'était en s'entendant que c'était du Gears of War un petit peu remaquillé, quoi. Oh oui, c'est sûr. Même look, même design artistique, je veux dire, même moteur, gameplay un peu modifié, certes. Mais c'est même pas eux qui l'ont fait, c'est People Can Fly, qui est une compagnie qui, entre guillemets, leur appartient, mais c'est pas lui qui était au développement. Donc j'ai hâte de voir s'ils sont capables de nous sortir des choses qui peuvent nous surprendre, comme Gears of War l'a fait il y a quelques années. Ouais, je vais probablement dans les prochaines années, parce que ça prend quand même assez de temps de développer un nouveau jeu vidéo, là. Oh, je Mais pense qu'ils sont déjà en train de travailler dessus depuis quelques... sûrement. Oui, je suis pas inquiet. On va voir ce qu'ils vont nous donner. Donc ça, c'est ton début à Monsieur Net, en plus un bifurqué un peu. Comment ça se passe une journée dans mettons la préparation Sur d'un show? l'émission, ben écoute, comme on est une quotidienne de 30 minutes, forcément, tu as des choses que tu dois faire tous les jours. Ça, c'est donc commencer à surfer le web, faire le tour des nouvelles, voir ce qui sort. Parce que maintenant, donc on a un bloc de nouvelles au début d'émission avec tous les chroniqueurs, donc on fait pas mal de recherches. Et ensuite, on présente différents sujets aux chroniqueurs en fonction de leur spécialité. Donc ça, c'est Claude et moi qui cherchons ça. On regarde un peu donc les nouvelles pour les one-liners, dans ces sortes de petites brèves qu'on a avant les pauses publicitaires, qui elles sont généralement plus en contraste du contenu qu'il y a dans le show. Par exemple, si on n'a pas de critique de jeux vidéo dans l'émission, ben on va essayer de mettre un petit peu de contenu de jeux vidéo dans les nouvelles ou dans les brèves. Donc on essaie toujours d'en mettre un peu pour tout le monde, quoi. Si vous n'êtes pas un fan de jeu, ben tu vas pouvoir avoir les nouvelles sur des nouveautés technologiques ou des robots et trucs comme ça. Si vous aimez les jeux, ben vous en aurez un petit peu en critique, sinon ça va être en nouvelles ou en annonce de démo ou de bêta. Donc on essaie toujours d'avoir un contenu qui est assez large et puis qui peut intéresser tout le monde en fait, sans forcément non plus tomber dans le casual constamment, mais on essaie de couvrir un petit peu tous les aspects du spectre, quoi. Ouais, parce que vous avez plusieurs genres de personnes qui vous écoutent, Exact. du hardcore à la personne qui Exact. joue une fois de temps en temps, fait que vous essayez de couvrir Exact. l'intérêt de tout le monde. Exact, on essaie de couvrir tout le monde. Bon, c'est sûr qu'on s'attarde pas sur des Adibou puis des jeux pour enfants parce qu'on sait que c'est assez limité comme notre auditoire. Mais sinon, on veut dire, donc là-dessus, on fait pas mal de recherches pour les nouvelles, donc dans la matinée. Après, ça, il y a aussi des choses. Bon, faut trouver tous les visuels, donc trouver les trailers, contacter les compagnies pour avoir des vidéos, pour avoir les communiqués de presse, tout ça. Donc ça, on reçoit beaucoup d'informations dans la matinée. Et après, à partir de ça, on commence le montage. Donc là, c'est du montage des nouvelles, montage des brèves, enregistrement des voix de Denis pour le bang qu'on appelle au début, qui dit ce qu'il y a dans le show, et puis ensuite, donc s'il y a des topos, etc. à faire, ou les voix donc des brèves. S'il y a des topos, évidemment, il faut monter les topos, préparer les trades, envoyer les traductions, les documents de la traduction. Il y a tout ce qui est la poutine technique de numérisation, dénumérisation, maintenant, parce qu'on est en HD, donc tout passe par des serveurs. Donc c'est plus des disques, si tu veux, ou des cassettes avec lesquelles on joue maintenant, c'est que des fichiers. Donc c'est tout cet aspect aussi, gestion des informations, quoi, qu'il faut gérer, sans parler de l'aspect là vraiment plus plate, genre de la Sodrax, qui est les contenus musicaux qu'il y a dans l'émission qu'il faut répertorier pour pouvoir payer les droits, etc., etc., etc., dont je m'occupe aussi. C'est vrai que c'est des choses qu'on oublie, ça. Si tu fais jouer une musique pendant le show, mais faut que tu payes des droits à personne. C'est ça. Donc, même si c'est de la musique, ce qu'on appelle nous de la musique en canne, donc qui est des compilations de musique, si tu veux, assez génériques, faut quand même tout noter, donc le nombre de trailers qui est passé, ou le nombre d'habillage qui est passé avec telle musique, quel habillage c'était un reportage, c'était un jeu, tout ça. Donc ça, c'est des petits trucs qu'il faut faire. Bon, ça prend pas non plus des milliers de cents, mais il faut quand même, c'est un truc de plus à faire dans la liste. En plus de, évidemment, tester les produits qu'on reçoit, ça, on en teste une partie au bureau, mais surtout à la maison aussi. Donc ça, on demande les jeux, les ordinateurs, les volants, les tablettes. Là, en ce moment, je suis en train de tester la Iconia 200 d'Acer, dont je vais parler de la semaine prochaine. Okay. Donc tout ça, c'est aussi, ça prend un petit peu de temps, installer le logiciel, désinstaller le logiciel, ensuite capturer nos images aussi, parce que nos critiques de jeu se font sur des consoles qui sont connectées donc à un ordinateur, afin de capturer les images pour pouvoir en faire la critique. Ça nous arrive à de rares exceptions de prendre des images d'Internet, notamment dans le cas de la 3DS ou de la PS Vita, qui sont pas évidentes à capturer au niveau du signal vidéo, ou qui offrent un rendu très moyen quand on filme dans l'écran. Donc on essaie d'avoir quand même des images qui sont intéressantes. Mais en tout cas, une chose est sûre, là, durant toute l'existence de Motionnet, il y a eu zéro jeu qui n'ont pas été joués avant d'être testés. Ça, c'est officiel. Ouais, c'est ça, parce qu'une critique sans tester le jeu pour vous autres, c'est presque un sacrilège. C'est même pas envisageable. C'est impossible. Ça, c'est comme parler d'un film sans aller le voir. Ça n'a aucun sens. Donc, non, tous les jeux sont testés. Et puis, même si des fois c'est plate, on les teste quand même. Parce qu'il y en a certains qui sont vraiment plates, mais bon. Cette année, on a eu un bon cru quand même, donc on n'a pas trop à se plaindre. À date, c'est pas super. Mais ouais, y a des gens qui disent « Ah, moi j'aimerais ça faire ça, tu joues à des jeux vidéo toute la journée, mais jouer pendant 20 heures ou 30 heures à un jeu que tu détestes. » Je t'avouerais que, alors regarde, le test de jeu, c'est pas ce qu'il y a de plus long dans l'émission. Tu vois, le plus clair du temps qu'on passe à Monsieur Net, enfin à Musique Plus, c'est pas à jouer. Il y a plein de gens qui disent « Ah, tu joues à des jeux toute la journée. » Pas vraiment. Moi, j'aimerais bien jouer à des jeux toute la journée, mais malheureusement, c'est pas ça le travail. On travaille plus à préparer le show, à trouver des nouvelles, à s'informer sur des nouveautés qui s'en viennent, à faire des relations publiques avec les compagnies, commander des jeux, commander du matériel, que en fait passer du temps à jouer à des jeux vidéo. Ce serait bien, moi j'aimerais ça, mais malheureusement c'est pas ça la job. fait qu'au bureau tu travailles à préparer le show, mais t'as dit les critiques, les tests que tu fais pour les jeux, tu le fais sur ton temps à toi, j'imagine. La plupart du temps, oui, je joue un petit peu au bureau, très peu, je t'avouerais. C'est peut-être une game avant l'émission pour me tendre un dernier jeu, parce qu'on travaille 10 heures en ligne, chaque jour. Donc, mais sinon, non, c'est très rare qu'on joue, à part quand on capture nos images, évidemment. Là, on n'a pas le choix de jouer pour capturer les images pour les critiques. Mais sinon, non, la plupart du temps, le temps de jeu se fait à la maison. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on fait. Après ça, évidemment, tu as la préparation. Donc, à 5 heures, notre période de montage se termine. Donc, on regarde si tous les éléments sont correctement numérisés, si tout est dans les serveurs, si tout est prêt, les clés sont prêtes, parce qu'il faut aussi faire toutes les clés dans tout ce qui est les prix des appareils, les sites web, tout ça. Il faut donc tout s'assurer qu'il n'y a aucune erreur là-dedans, même si des fois ça arrive, ça, on est humain, malheureusement. Non, ouais, c'est ça. Et puis, après ça, c'est ça. On a un meeting d'émission, donc avec quand tout le monde est là, vers 6 heures, où là on passe au travers de ce qu'on appelle du line-up, donc du cours de l'émission bloc par bloc, pour s'assurer que tout le monde est au moins à son affaire, puis sait de quoi il parle, ou sait de quoi les autres parlent aussi, parce que maintenant, avec le concept de la grande table, c'est que tout le monde peut intervenir donc sur les chroniques des autres, ce qui est assez intéressant, ce qui amène des fois des points intéressants qu'on n'aurait pas pensé. Mais ce qui est aussi un peu déroutant, si tu as 2 minutes pour faire ta critique, puis quelqu'un te C'est pose une ça. question pointue. C'est ça, c'est toujours le genre de problème. Tu t'envoies vers une direction, puis là, il y a Denis ou quelqu'un d'autre qui te pose une question sur un truc qui n'a aucun rapport, dont tu avais prévu de parler à la fin de ta critique, qui vient mettre ton bazar dans la critique. Mais avec ça, il faut toujours être capable, notamment en direct, de spinner sur un pied, puis de te retourner de l'autre bord, puis être capable de jongler avec ça pour réussir à rattraper le coup. Mais bon, ça fait partie des plaisirs du métier. Et puis ça se passe généralement quand même bien. C'est sûr que 3 minutes 30, 4 minutes pour une chronique, c'est pas long. Des fois, on aimerait avoir beaucoup plus en fonction des jeux qu'on teste. Il y en a qui méritent vraiment d'avoir plus de temps que ça. Mais avec le blog de Monsieur Net maintenant, puis le fait qu'on puisse écrire quelques textes en plus par-dessus, ça donne plus de contenu aussi. Puis ça nous permet de nous exprimer un peu plus longuement sur des sujets qu'on aimerait couvrir plus longtemps pendant l'émission, quoi. Moi, c'est le blog vous le permet. C'est ça. Ça, le blog nous permet. Et puis, donc, c'est ça. Une fois qu'on a fait cette réunion-là, après, c'est une touche de maquillage, parce que sinon, on serait tous trop brillants à la télévision. Et je parle juste de la peau, évidemment. Et après ça, écoute, c'est la descente au studio. On met les micros, les telex, et puis on attend le décompte avant le début de l'émission. Et voilà. Puis après ça, vous faites l'émission, ça dure votre 30 minutes. 30 minutes, et après ça, on rentre chez nous parce qu'il est 8 h du soir, puis qu'on est tous crevés. Puis qu'on a eu plus d'informations dans la tête. En fait, c'est surtout ça, c'est la somme d'informations qui nous traverse la tête en l'espace d'une journée. C'est assez impressionnant parce que, comme je te disais, il faut qu'on réussisse à toucher un petit peu à tout. Donc, on ratisse vraiment très très large dans la nouvelle. Donc, on va autant à la nouvelle de petits robots qui fait des trucs qu'au dernier jeu vidéo, en passant par la dernière percée en nanotechnologie, ou en voiture électrique ou name it. Donc ça fait beaucoup de data qui te transige à travers la tête. Puis je t'avouerai que le soir à 8 h, quand tu déconnectes le cerveau, ça fait du bien. Ouais, puis c'est le fun d'aller jouer chez vous à un jeu que t'apprécies et pas un jeu que Voilà. t'es obligé de jouer. Exact. Ce qui arrive rarement, mais ça arrive. Ouais, ben faut que tu te gardes du temps aussi pour jouer à ce que toi t'aimes et pas nécessairement. Ben c'est sûr que les critiques, j'imagine, les jeux vous sont distribués par vos intérêts et non pas si toi t'as aucun intérêt pour les shooters, mais voici le dernier Halo, puis fais-moi une critique là-dessus, là. Donc, généralement, je dirais les membres de l'équipe principale là sont pas mal bons sur tous les styles de jeu, même si on a des préférences évidemment en termes de jouabilité. Mais on est capable de parler de n'importe quel style de jeu pour en avoir vu une quantité industrielle, avoir fait des entrevues avec pas mal tous les styles de développeurs possibles. Donc on a, si tu veux, une vue générale assez large pour pouvoir parler de n'importe quel type de jeu. Maintenant, c'est sûr qu'évidemment, chaque personne a ses spécialités, a son background, son historique de jeux vidéo derrière lui, avec des titres sur lesquels il a passé plus de temps, donc il y a une expertise plus poussée. Et puis il y a des jeux que moi, tu vois, je suis pas un fan du tout de Nintendo. J'irais pas faire un jeu de Nintendo, sachant que je vais pas aimer ça, mais je serais capable de mettre une bonne note si le jeu est bien réalisé, tu vois, s'il est bon, s'il est bien fait. Même si moi j'aime pas le jeu, je ne lui mettrais pas une mauvaise note. Mon opinion à ce niveau-là n'a pas à rentrer en jeu. Si par contre le jeu est mal développé, etc., là, forcément, je mettrais une mauvaise note. Mais c'est pas parce que j'aime pas un style de jeu d'une compagnie ou certains personnages de jeux vidéo que je mettrais une mauvaise note. Ça va plutôt être en fonction du jeu en tant que tel. Comment est-ce que le jeu est, pas nécessairement quel style de jeu que c'est, mais plus est-ce que ça lag, est-ce que les graphismes sont beaux, est-ce que l'histoire se tient, est-ce qu'il y a des bugs, des choses comme ça, là? En gros, est-ce que le jeu est bien fait? Est-ce qu'il plairait aux gens à qui il s'adresse, quoi, surtout ça? Ça, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, aujourd'hui, on est chanceux, puis souvent, j'en parlais dans d'autres épisodes, c'est que dans le temps, souvent, quand les gens, en tout cas de mon âge, ont commencé à jouer, on n'avait pas grand-chose pour nous dire, si le jeu était bon ou pas. On C'est ça. avait fallait se fier à peut-être un article dans un magazine à quelque part, puis on savait pas si la personne qui a fait la critique, c'est comme aujourd'hui, tu sais, il avait été payé par Activision dans le temps Ouais. pour dire que Pitfall c'était le best game ever, tu Exact, sais. exact. Fait que tu te fiais sur la pochette, tu te fiais sur peut-être un ami si t'étais chanceux qui l'avait acheté, puis tu dépensais ton 40$ pour avoir ton jeu. Aujourd'hui, je veux dire, c'est presque impossible, si à moins que tu l'achètes la journée de la sortie, c'est presque impossible d'acheter un citron, un vrai mauvais jeu, là, Bah, avec. à moins de le faire volontairement, mais C'est ça. non, maintenant c'est très rare. Puis de toute façon, maintenant la plupart des jeux sont on les reçoit avant, en règle générale, la sortie. Le problème après, c'est qu'il y en a tellement qui sortent, puis il y en a tellement peu de temps pour en parler qu'on peut pas non plus. On aimerait pouvoir offrir plus de critiques ou les offrir plus proches de date de sortie, mais c'est ça, quand tu joues à un jeu, ben il faut que tu passes au travers, enfin, en fonction du style de jeu évidemment, mais il faut qu'au moins tu y aies joué assez longtemps pour te faire une opinion. Donc ça, malheureusement, ça prend du temps, et c'est pour ça qu'on fait pas forcément les critiques le jour même, à moins d'avoir reçu le jeu vraiment longtemps à l'avance, ce qui est de moins en moins souvent le cas. C'est ça, puis vous pouvez voir laquelle. Vous pouvez pas faire une critique non plus de tous les jeux. Non, malheureusement, Parce parce que qu'il là. y en a une quantité tellement industrielle que ce serait vraiment techniquement infaisable. Mais disons qu'on fait ceux qui, on pense, intéressent le plus les gens, ou ont du moins suscitent, entre guillemets, comme on dit en anglais, une hype, une sorte d'intérêt avant achat particulièrement élevé. C'était le cas de titres. Si tu veux, on va plus prendre un Mass Effect 3, par exemple, donc que tout le monde attend, que de parler, par exemple, d'un Jagged Alliance, même si on l'a fait, quoi, alors que c'était vraiment pas très très très bon, quoi. Donc on essaye quand même de couvrir autant les bons que les mauvais, mais disons que c'est sûr que, je sais pas moi, Farm Simulator ou des trucs comme ça, on va éviter, parce qu'on sait que ça touche vraiment un public très très très restreint, et que même s'il y en a qui sont très bien faits d'ailleurs, c'est peut-être pas non plus le jeu le plus populaire. Non, c'est pas le jeu que les gens vont dire, ah oui, je vais aller me l'acheter, parce que Voilà. c'est pas nécessairement le il y a peut-être 10% du monde qui joue, 15% du monde qui joue à C'est ces ça. jeux-là. Exact. Tandis qu'un Mass Effect, un Skyrim, un BioShock, Ouais. T'as plus de monde. Sensiblement plus de monde. c'est ça. Puis on y va par le nombre d'argent que ces jeux-là réussissent à À ramasser générer, dans dans les premières semaines de sortie, là. ouais. Ouais, et ça, il y en a quelques-uns qui en ramassent beaucoup. Oui, comme Modern Warfare, des choses comme Ouais, ça. exact. C'est assez incroyable le nombre d'argent qu'ils peuvent faire avec ça, avec un jeu qui change pas nécessairement tant que ça d'un à l'autre. Ben, ça, c'est bienvenue dans la magnifique industrie du jeu vidéo actuel, hein. Ça, c'est triste, mais ça, on y échappe pas, puis ça va être comme ça, je pense, encore pour longtemps. Ouais, mais le problème, c'est que c'est aussi un peu nous autres, les gamers, c'est que on en demande. Fait Ça, que c'est mon point. J'en parlais justement dans le post que j'ai fait, le billet que j'ai posté sur le blog de Musique Plus cette semaine. Je parlais des nouvelles formes de financement du jeu vidéo qu'on a vu apparaître, notamment avec Kickstarter. Moi, je trouve qu'est un modèle qui pourrait s'appliquer non seulement aux jeux vidéo, mais à bien d'autres points de notre société. Je trouve ce concept très intéressant, tout simplement parce qu'en fait, tu contournes toute l'intelligence, c'est la nomenclatura des banquiers, et puis des prêteurs, des distributeurs, etc. Comme le disait Tim Schafer dans son pitch qu'il avait fait pour son jeu d'aventure de Double Fine, il disait, moi, si j'arrive avec un concept de jeu d'aventure point and click à un distributeur, il va m'envoyer chier, parce que ça vendra pas selon lui, alors que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui sont intéressés à jouer à ça. Et c'est comme ça que Kickstarter a un intérêt, je trouve, c'est que tu peux vraiment avoir le jeu que tu désires en y mettant de l'argent, et pas simplement en espérant qu'un jour un distributeur décide de le publier, ou qu'un mec de marketing se décide à dire que ça vaut la peine d'essayer de le lancer. Donc ça redonne un peu plus de voix aux créatifs, et ça, je pense que c'est quelque chose que les joueurs attendent. Ben, il suffit de voir ce qui s'est passé cette semaine avec le site The Consumerist, qui a remis son 2012 Gold Poop à EA comme étant la pire compagnie nord-américaine. Disons que ça fait un peu mal à la campagne marketing, ça. Même s'ils s'en foutent et qu'ils vont continuer à en vendre des tonnes de copies de leurs titres, je pense que ça fait un petit éclat à la belle peinture rutilante d'Electronic Arts, qui tranquillement implante des systèmes de paiement et de financement de ces jeux qui puent au nez des joueurs, et qui, comme tu disais, effectivement, c'est aux joueurs de faire la part des choses, et d'arrêter d'acheter certains jeux d'une certaine compagnie quand ils voient que, eh ben, il manque la moitié du jeu et qu'il faut ensuite le payer payer en téléchargement ou en choses comme ça. Donc, le seul pouvoir qui reste au joueur, c'est le pouvoir d'achat. Donc, s'il décide de ne pas acheter un jeu d'une compagnie ou de les boycotter, la compagnie va bouger parce qu'elle n'est pas folle, elle sait où sont ses intérêts. Mais tant et aussi longtemps que les gens seront prêts à dépenser 4, 5, 6, 10 dollars pour un bout d'avatar sur leur Xbox ou pour un contenu téléchargeable d'une heure et quart qui est en fait un sample de ce qui est déjà sorti et puis qui rajoute un petit vidéo, ben, malheureusement, les compagnies continueront à le faire, hein, elles ne sont pas folles. Hein. Non, ou vendre un auto, je sais pas combien, quand vend... il y avait un auto, c'était dans Need for Speed. Oh, exact, ouais. Je sais plus comment c'était, c'était un prix hallucinant. Mais... Dans un jeu gratuit. Dans un jeu gratuit. Mais ça, encore quand c'est un des jeux gratuits, je me dis que ça. Tu vois, on parlait tout en temps en rond de World of Tanks. Mm-hmm. C'est un jeu qui est très bien fait, qui est entièrement gratuit, où tu peux avoir du plaisir et réussir à être compétitif sans mettre une scène. Et c'est pas parce que tu décides de dépenser, je pense qu'acheter un tank, les plus gros, c'est 50 dollars le tank que tu peux t'acheter. Okay. Ça te donnera pas plus d'avantages qu'une personne qui a passé du temps dans le jeu et qui peut avoir un tank équivalent aussi gros juste en ayant trimé pour l'avoir, mais qui a l'expérience, si tu veux, pour le combat et surtout avec une machine équivalente. Donc au moins, si tu veux, les personnes qui décident de mettre de l'argent là-dedans n'ont pas d'avantage direct sur ceux qui mettent pas de l'argent, parce que on peut trouver des tanks équivalents des deux côtés de la barrière, ce qui est assez intéressant. Ce qui est rare aussi, parce que pour avoir essayé certains jeux des MMO gratuits, souvent... Mmh. Comme je vais prendre l'exemple Eden Eternal, qui est un hack and slash, mm-hmm. où tu t'en vas, puis à un moment donné, si tu veux monter de niveau, puis pas nécessairement faire du farming, comme ils appellent, mm-hmm. c'est tuer des monstres, oh, ouais. puis juste faire ça, c'est extrêmement long. Fait que c'est pas pour rien qu'ils mettent ça long, c'est qu'ils essayent de te vendre des raccourcis en disant, mais regarde, si t'achètes ça, là, ça va aller beaucoup plus vite, tu vas monter ton bonhomme beaucoup plus rapidement. Fait que souvent, les MMO, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup poussé sur... Oui, tu peux jouer totalement gratuit, mais tu sais, tu pourrais acheter cette bibitte-là que quand tu vas t'asseoir sur son dos, tu vas avancer 60% plus vite, puis fait que les gens embarquent dans ça. D'un autre côté, il faut que ces studios-là se financent aussi. Fait que si tout le monde joue gratuitement, mais c'est sûr que... Ça paye pas non plus, mais comme je te dis, il y a certains modes de jeu, je pense, ou styles de gameplay qui sont particulièrement bien adaptés. Le MMORPG, je pense que c'est une bonne moyen de faire de l'argent rapidement, mais aussi faut faire attention au débalancement de la jouabilité. C'est moins le cas dans des jeux comme World of Tanks parce que t'as un gameplay qui est quand même assez basique. Je veux dire, c'est des tanks qui roulent et qui se tirent dessus. T'as pas de 40 000 pouvoirs que tu peux lancer, de combinaisons de trucs, etc. C'est de la stratégie, ouais. C'est du travail d'équipe. Donc, au-delà de simples concepts élémentaires de jouabilité, le fait que tu aies de l'argent dans le jeu ne t'avantage pas plus qu'il faut parce que si tu commences avec, parce qu'on s'entend que dans World of Tanks, quand tu commences pas d'argent, t'as une trottinette avec un lance-poids, quoi. Donc, après ça, évidemment, tu prends l'expérience. Tu vois, je viens de me débloquer un nouveau tank encore il y a pas longtemps, puis c'est toujours excitant, mais ça vient pas changer complètement la donne. Ça reste le même jeu. Ça me donne pas un avantage, si tu veux, outre mesure sur les gens qui jouent sur le site avec peut-être en ayant payé ou en n'ayant pas payé. Mais ça, c'est pour ça que je pense que le futur du jeu vidéo, c'est vraiment. Puis en plus, pour mettre une dernière option là-dessus, c'est que ça va les aider à contrôler beaucoup mieux leur jeu au niveau du piratage. Parce que quand tu mets un jeu gratuit, tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut y jouer. Le seul moyen que t'as de contrôler ce que tu payes ou ce que tu payes pas, c'est sur tes serveurs, c'est hébergé avec ton argent entre guillemets virtuel. Donc déjà là, tu t'empêches du piratage parce que personne peut acheter des crédits sans passer par leur site. Donc tu as un moyen de contrôler ton jeu de façon beaucoup plus efficace sans handicaper les joueurs qui l'achètent, comme ceux que parce qu'ils s'achètent, ils l'achètent pas, il est gratuit, donc il est disponible à tout le monde. Donc ça, c'est un gros avantage, je pense, que le modèle free to play, c'est que tu offres ton jeu à tout le monde et ceux qui veulent y mettre un peu plus d'argent, ben ils peuvent. Mais en attendant, tu t'handicapes personne avec des DRM avec un truc pour être connecté constamment ou des choses comme ça. Quoique la plupart du temps, ces free-to-play sont quand même des jeux multijoueurs, donc il faut être connecté. Mais disons que, pardon, tu offres au moins une opportunité de jeu à des gens qui, des fois, n'ont pas les moyens de se payer un jeu vidéo et puis peuvent jouer avec d'autres qui le peuvent. Donc, le but du jeu vidéo, c'est ça, selon moi, c'est réunir tout le monde dans un endroit virtuel et puis de nous dépayser un petit peu de nos différences sociales qu'on a tous les jours dans la face, quoi. De changer notre petit train-train quotidien et puis devenir un chevalier ou un Jedi ou peu importe. Et c'est ce qui m'énerve un petit peu avec tout ce qui est contenu téléchargeable entre guillemets, mais microtransactions entre obligatoires, je dirais, pour finir un jeu ou avoir l'histoire complète, c'est que ça nous remet dans la face les inégalités sociales qu'on essaie justement de fuir au travers des jeux vidéo. On essaie de se propulser dans des univers qui nous sortent un peu de notre quotidien, et malheureusement les modèles d'affaires qui sont en train de ressortir à la surface dans les jeux vidéo nous rappellent que ben non, c'est pas virtuel, c'est bien du réel, c'est des sous, faut payer, faut tout le temps être connecté, faut tout le temps dire qui on est, ce qu'on fait, pourquoi. Donc ça, c'est un peu le côté qui m'embête. Le jeu doit rester quelque chose de féerique, doit rester quelque chose de où on s'évade, et doit pas être constamment en train de nous rappeler qu'on vit dans une société de consommation du matin au soir, même si on sait que certaines compagnies de jeux sont particulièrement friandes de ce genre de modèle. Ouais, surtout, ce qui me fait un peu de peine, c'est surtout EA. C'est une compagnie que dans le passé, j'ai toujours aimé, parce que je veux dire, ça fait des années qu'ils sont là. Mm-hmm. Ah oui, je veux dire, EA était là dans le temps du Commodore 64, puis je veux dire, dans ces années-là, ils faisaient quand même des bons jeux déjà, puis qu'ils se soient tellement revirés de bord, presque que tu sais, vraiment, ils veulent juste venir chercher de l'argent dans nos poches maintenant. Je trouve ça un peu désolant, puis de voir qu'il y a certaines autres compagnies qui sont comme totalement différentes. Si tu regardes Valve, mm-hmm. qui sont prêts à donner du contenu à la personne qui a acheté leur jeu. C'est une manière de penser qui est totalement différente. Ouais, c'est très, très différente, puis qui est aussi payante, parce que je veux dire, Valve roule quand même relativement bien. Ils ont leur système Steam, qui est un des plus grosses bibliothèques virtuelles de jeux vidéo sur Terre. Donc, sincèrement, ça c'est. T'as différents modèles possibles, malheureusement. T'en as certains qui vont avec leurs gros sabots, d'autres qui sont plus subtils. Le problème, c'est que les gros sabots, ça a pas l'air de déranger beaucoup de monde, malheureusement. Moi, quand je vois que des compagnies comme Activision et EA continuent à sortir des contenus téléchargeables, qui devraient quasiment être intégrés au jeu dès sa sortie, et que les gens continuent à acheter, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je veux dire, y a pas grand chose à dire de plus. Si les gens sont prêts à payer pour ça et à continuer à les encourager dans ce modèle d'affaires, malheureusement, ils vont continuer à le faire. Mais je pense définitivement pas que ça va continuer très longtemps, que les compagnies en profitent, parce que je suis pas sûr que ça continue ad vitam aeternam, ce système de toujours aller chercher dans les poches du joueur. Non, même... on entend les gens commencent à se tanner. On en parle plus qu'on en parlait avant de ça, là. C'est heureusement, c'est parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Avant, c'était juste EA. Maintenant, on voit que Ubisoft aussi commence à rentrer dans ce genre de système. Par exemple, dans Shoot Many Robots, il fallait que dès le début du jeu, on te proposait d'acheter un sac alors que tu venais d'acheter ton jeu. Je veux dire, c'est ce genre de détails qui des fois, c'est pas subtil. On se demande si le jeu était réalisé par le département du marketing ou par vraiment des créateurs de jeux. Donc, moi, je sais qu'il y a des dans les studios de jeux vidéo, il y a des grosses grosses prises de bec, des grosses engueulades entre les départements marketing et de conception, parce que le marketing dit ça va pas vendre, il faut que vous mettiez tel truc dedans, les créatifs disent non, on veut pas ça parce que ça dénature la licence. Donc sincèrement, des fois on porte le blâme sur les concepteurs pour avoir sorti tel ou tel type de jeu, il avoir fait de telle ou telle façon, mais je sais qu'il y en a qui sont des fois prêts à se battre bec et ongles pour réussir à faire valoir leur point de vue, et que quand ils voient que le jeu sort et que c'est malheureusement pas la façon qu'ils auraient voulu, sont très tristes de voir ça, parce que c'est leur nom qui est associé à ça, et des fois malheureusement ça dépend pas d'eux, quoi. Un peu comme le producteur de Diablo 3 qui a décidé qu'il s'en allait. C'est ça, il y a deux semaines, parce que il a sûrement pas aimé ce qui se passe à l'interne. Malheureusement, ça va être le cas de beaucoup de gens. Puis bizarrement, enfin pas bizarrement, logiquement, ce sont toujours les entre guillemets les plus réputés qui réussissent à faire valoir leur point un petit peu. Puis quand c'est pas le cas, ils s'en vont comme ça a été le cas la semaine dernière. Le problème, c'est que il y a tellement d'argent maintenant qui est rentré dans l'industrie pour le bon et pour le moins bon, parce qu'on n'aurait pas des jeux aussi beaux avec autant de textures détaillées, des modèles aussi précis, et puis des équipes de développement de 150 personnes, quoique c'est pas nécessaire d'avoir ça pour faire un bon jeu. Mais disons qu'on n'aurait pas la qualité de jeux vidéo, les fameux triple A ou 4A, comme on dit maintenant, mm-hmm. qu'on a s'il n'y avait pas cet argent-là. Donc, c'est pas évident. Il faut vraiment trouver une façon de générer de l'argent tout en n'effrayant pas les gens qui sont prêts à investir là-dedans, tout en faisant attention au piratage. Donc, sincèrement, je vois que l'industrie du jeu vidéo a quand même pas mal de variables avec lesquelles elle doit jongler. Puis, c'est pas évident de sortir son as de la manche de façon efficace. Non, parce qu'on a de l'argent limité pour les divertissements, puis souvent une personne, surtout un jeune qui est probablement la personne que les studios de jeux vidéo recherche le plus, c'est aller peut-être jusqu'à... Bon, moi, j'ai 40 ans, puis je joue encore, mais tu sais, 40 peut-être en descendant, vont avoir peut-être, mettons, 70$ à dépenser pour dans un mois pour un jeu, ben ils vont en choisir un sur les 5 qui a sorti. Exact, faut que tu sortes du lot. C'est ça, faut que tu sortes du lot, parce que le 70$, enfin, ou le dollar que tu consacres aux jeux vidéo, il se multiplie pas parce qu'il y a 15 titres qui sont sortis sur le marché en même temps. Malheureusement, non. C'est dommage, mais c'est comme ça aussi, tu vois. Moi, je vais avoir 40 ans bientôt aussi, puis la moyenne des joueurs, c'est quand même 35-36 ans. Donc, tranquillement, les joueurs vieillissent aussi. Donc, c'est un truc qui échappe pas au studio. Ils savent très bien que, quand tu arrives à cet stage-là, généralement, en règle générale, tu as un peu plus de, on va dire, de liberté financière, et qu'ils sont capables d'aller chercher plus d'argent à ce niveau-là. Si on s'adressait à un public comme au départ dans les jeux vidéo qui avait entre 10 à 15 ans, on ne verrait pas ce genre de phénomène et ce genre de système d'affaires se mettre en place parce que les ressources financières ne suivent pas, tandis que là, elles suivent et les compagnies le savent, elles en profitent. Dont la majorité des jeux qui sortent aujourd'hui sont classés matures. Exact, exact. Fait que on voit aussi que leur attention a été poussée vers les gamers plus vieux parce que c'est eux autres qui achètent normalement ces jeux-là. Exact, que ce soit des joueurs hardcore ou pas hardcore, parce que maintenant, je veux dire, avec le casual, je veux dire, ils réussissent à faire vendre des licences. Je parle juste de Just Dance, je veux dire, ce qui est même pas classé M, mais qui est classé, je pense, T ou E. Ils pensaient jamais avoir un succès pareil, puis ils ont réussi à en vendre des millions de copies, à se placer devant des blockbusters sur les différents tops de vente européens et américains. Donc c'est tout ce côté-là aussi qu'il faut voir, le côté un peu ce que j'appelle moi la McDonaldisation du jeu vidéo, c'est-à-dire on rend tout assez homogène, assez facile, assez accessible, quitte à déplaire au petit groupe de joueurs qui a fait que les jeux sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais pour essayer d'aller rejoindre un plus grand marché. Et donc dégager plus de profits en vendant un plus grand nombre. Mais bon, c'est un peu ce que malheureusement, je vais encore me faire traiter de Nintendo basher, mais c'est ce qu'a fait Nintendo avec la Wii. C'est eux qui, avec ce concept du jeu pour tous, ont enclenché ce phénomène. Alors je dis pas que c'est les seuls, juste eux qui ont initié ce phénomène là, qui après a été repris par toutes les compagnies qui se sont dit effectivement ils sont pas cons sur ce point là, on va se faire beaucoup plus d'argent comme ça, et ça a marché. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? Bon, moi, personnellement, que ma grand-mère de 90 ans joue à Wii Bowling, sincèrement, ça ne me change pas mon monde, mais ça change sûrement celui de Nintendo. Donc, est-ce que ça a fait du bien aux jeux vidéo ou pas? Je sais pas. C'est sûr que maintenant, au niveau évolution technologique, ça a apporté la capture de mouvement, ça a apporté des trucs qui ont été repris ensuite par les autres compagnies qui ont changé un petit peu la façon dont on joue, mais on s'entend que moi, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de pas mal de hardcore gamers, ce qu'on veut, nous, quand on joue, c'est être assis, avoir des contrôleurs dans les mains et pas gesticuler comme un malade au milieu d'une salle, à moins d'avoir un coup dans le nez et de faire ça avec des amis. Donc, bon, c'est bien beau de vouloir réinventer la roue à chaque fois, mais des fois, je trouve qu'on se perd un petit peu dans tous ces espèces de périphériques qui veulent greffer aux jeux vidéo pour nous vendre qu'on fait plus de matériel et à plus de monde possible, quoi. Oui, non, c'est un fait, je suis d'accord avec ça. On parlait juste de... Puis j'ai juste quelque chose qui m'est venu à l'idée pendant qu'on en parlait. Tu parlais des contenus téléchargeables et tout ça. J'ai su ça en écoutant M. Net de l'émission de jeudi, je pense, que vous parliez qu'il allait avoir du contenu téléchargeable pour Mass Effect qui avait été rajouté puis qui allait être offert gratuitement parce que le monde avait... Bon, on avait chialé. Qui ont chialé sur la fin de Mass Effect. Penses-tu que c'est déjà quelque chose qui était prévu de faire, mais qui nous aurait chargé pour si la grogne n'aurait pas été si forte? Sincèrement, je pense pas qu'ils avaient prévu le coup. Je pensais qu'ils étaient vraiment sûrs de leur shot. Je veux dire, EA, ils sont tellement sûrs d'eux que... Il n'y a pas grand chose qui les dérange. Je trouve vraiment comme ce qui s'est passé pour Mass Effect 3, vraiment une grogne intense reprise par les différents sites et par les médias, en plus de leur couronnement de la pire compagnie de l'année. Je pense que ça les a motivés un petit peu, on va dire. De toute façon, on s'entend bien que, je veux dire, faire une fin ou deux supplémentaires en DLC, ça n'a pas dû leur prendre non plus 6 mois. C'est pas très compliqué à faire. C'est des choses qu'ils peuvent facilement faire parce qu'ils ont tout, entre guillemets, comme on dit en anglais, les assets. Dans tous les produit les matériaux nécessaires pour travailler sur des nouvelles fermes, parce qu'ils ont tous les personnages, tous les environnements sont faits, mm-hmm. tous les sons sont capturés, etc. Donc, à part réenregistrer un peu de VO sur quelques lignes, c'est pas ce qui leur demande le plus d'efforts. Et si en plus ça peut calmer la grogne et leur donner le côté de la compagnie, ah, écoutez, regardez comment on vous aime, on vous a écouté, on vous donne du contenu gratis, ça va être tout bénef pour eux, quoi. Donc, je pense pas que c'était prévu d'avant. Je pense vraiment que c'est une réaction, parce que je les ai déjà fait en entrevue, Rem Musica et Jesse Sechnuk, je vais prononcer son nom, c'est assez compliqué, les deux fondateurs de BioWare, et c'est quand même à la base des gens qui tripent jeux vidéo, qui sont des gamers, qui ont toujours trippé là-dessus. Donc c'est pour ça que j'étais excessivement surpris de voir que BioWare s'était fait racheter par EA et que EA avait réussi à mettre son empreinte de façon assez flagrante dans leur côté créatif. Ça s'est surtout senti, il y en a qui l'ont senti dans Mass Effect, moi je l'ai senti un peu, mais c'était moins flagrant. Pour moi, c'est plus Dragon Age qui a vraiment morflé quand EA est passé vraiment au-dessus de BioWare, qui les ont rachetés. Je pense que c'est vraiment de loin la licence qui a le plus écopé de cette entre guillemets EA-isation de BioWare, qui malheureusement leur a fait un peu de tort, quoi. Dragon Age 2, tu penses? Ouais, le deuxième. Ou est-ce que tu pouvais tuer une bébite qui était en haut des escaliers, puis toi t'étais en bas, puis tu frappais dessus, puis... Ça, oui, juste, bon, ça, à la rigueur, tu peux considérer que c'est un bug, mais quand tu vois la même grotte à peu près 40 fois, avec 40 noms différents, avec le sandwich et le morceau de poulet au même endroit à l'intérieur, tu te dis, merde, les gars, franchement, il y a des limites, quoi, faut pas prendre les gens pour des cons. C'est un peu exagéré, ouais. Je veux bien croire que, oui, tu peux pas non plus modéliser 40 000 choses différentes, mais on l'a vu dans Skyrim, on peut le faire, c'est juste une question de volonté. Après, c'est sûr que quand tu coupes les coins ronds et que tu veux couper sur les coûts de développement et faire plus de budget sur une licence qui est célèbre, ben voilà, tu fais ça et puis tu peux te casser la gueule, et je pense qu'ils se sont cassés la gueule avec Dragon Age 2, puis je leur souhaite de pas continuer sur cette voie-là, parce que maintenant que les gens commencent à gueuler pour Mass Effect 3, ils vont marcher sur des œufs un peu plus, je pense. Non, ils pourraient se faire gueuler après pour d'autres choses. Maintenant, les gens vont les checker plus étroitement. Donc, c'est à eux de montrer qu'ils sont capables de remonter le niveau puis de nous offrir ce qu'ils nous offraient avant, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que BioWare a sorti des jeux comme Baldur's Gate, comme Knights of the Old Republic. Ils ont quand même fait des jeux qui étaient particulièrement excellents. Neverwinter Nights, ce qui était selon moi un excellent jeu de rôle. Ils ont sorti des très, très, très bons jeux de rôle. Alors, c'est sûr que maintenant, bon, les personnages parlent, c'est pas juste du texte, etc. Mais le fait que les personnages parlent, je suis désolé, c'est peut-être très très joli à la télévision. Ça plaît peut-être aux gens qui n'aiment pas lire, comme Denis par exemple. Lui, les textes longs, ça le gonfle, c'est sûr. Mais en attendant, on a moins de lignes de dialogue, on a moins de choix de discussion possibles. Quand on enregistre des voix, ça prend plus de budget. Chaque ligne te coûte 4 fois le prix ou 5 fois le prix d'une ligne écrite. Donc, ouais, t'as moins de lignes enregistrées, t'as moins de choix, t'as moins d'options. Et forcément, c'est plus qu'à jour, ça adresse un plus grand nombre de personnes parce que le jeu te parle, tu peux écouter, t'es pas obligé de lire des affaires, mais malheureusement tu perds en qualité, tu perds en épaisseur de jeu, en profondeur, et ça, c'est notre quotidien maintenant. C'est drôle quand tu venais de parler de la même grotte partout dans le même jeu. L'autre jour, je joue à Star Wars The Old Republic, le MMO, puis on se promenait, puis là, je regardais mon nez. Ah, c'est le même donjon que j'ai fait quand j'étais... Tu joues à un site, c'est le même donjon que quand t'étais Jedi. Ils ont juste changé les bébites en dedans, puis t'as toujours les mêmes personnages qui reviennent, mais tu dis que c'est un MMO, ils ont pas le choix, à un moment donné, au nombre de personnages que tu rencontres pendant tes quêtes. C'est le même bonhomme, il y a le même grosseur, là, il y a un pinch, l'autre, il y a des favoris, l'autre, il y a une moustache, l'autre, t'as toujours le même bonhomme qui se tient comme s'il avait reçu une flèche dans le genou. Il a mal au genou. la fameuse flèche dans le genou. Ouais, il réutilise, mais pour un MMO, c'est comprenable. Pour un jeu qui a une fin, qui a un temps de jeu précis, à peu près à une trentaine d'heures, tu dis, peut-être, surtout la même grotte avec la sandwich à la même place, c'est peut-être un peu... Ça, c'est un peu exagéré, je veux dire. Puis, malheureusement, je veux dire, c'est pas juste le cas de jeu-là, ça se reproduit dans plusieurs autres titres où, au fur et à mesure du jeu, tu te rends compte que c'est plus ou moins le même niveau, c'est juste que les textures sont pas les mêmes et puis que t'as quelques trucs différents. Mais au-delà de ça, je veux dire, on a eu la bonne, entre guillemets, la bonne nouvelle de voir que les jeux indépendants continuent de percer, continuent à nous amener un vent de fraîcheur qui fait cruellement défaut aux majors de l'industrie. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Tu vois, des jeux comme par exemple, bon, Minecraft, évidemment, on ne peut pas le nommer, mais ça, ça a été un tel succès qu'on n'en parle même plus. Mais tu vois, le dernier Journey qui est sorti, donc de That Game Company, qui nous avait offert Flow, Flower et Cloud, donc, ce qui est une petite compagnie qui était indépendante, mais que Santa Monica Studios, donc la branche des studios de Sony PlayStation, a pris sous son aile. Ils ont réussi un heureux mariage, je trouve, entre l'indépendant et le major, et nous offrir un jeu qui est complètement unique et qui offre une jouabilité jusque-là jamais offerte, quoi. Donc, c'est pour ce genre de choses que je crois encore dans le jeu vidéo. C'est des jeux comme Journey me redonnent espoir que les jeux peuvent encore nous apporter de l'originalité, peuvent encore nous surprendre et peuvent encore changer notre façon de voir ce qu'est réellement un jeu vidéo, quoi. C'est sûr que bon, moi je commence à être particulièrement tanné des FPS. Il y en a quelques-uns que j'attends quand même, tu vois. J'attends par exemple un Borderlands 2 que j'attends avec impatience, un hypothétique Half-Life 3 ou des choses comme ça, mais je trouve malheureusement que le FPS a tellement été surexploité depuis 10 ans que les seuls qui m'intéressent sont les FPS qui offrent, entre guillemets, selon moi, que tout jeu doit offrir, c'est de la liberté. Donc, tu as la liberté de bouger à droite ou à gauche. Quand j'avais joué avec Denis à Battlefield 3 dans le mode solo, puis qu'il m'avait dit « Ah, bah, va détruire telle cible », et puis que j'avais pris le côté droit du mur, puis il m'a dit « Ah, t'es sorti de la zone de combat », je dis « Bah là, tu te fous de ma gueule, j'ai bougé deux mètres à droite et je suis sorti de la zone de combat, il faut arrêter ». Donc, tout ça, c'est des petits détails qui font que des styles peuvent très facilement être surexploités, on l'a vu notamment avec les jeux de musique, que ce soit du Rock Band ou du Guitar Hero, on n'en entend plus parler du tout, c'est fini. Donc, bon, je sais qu'il y en a encore qui jouent, etc., mais je suis persuadé qu'il y a un paquet de guitares qui prennent la poussière dans des placards et qui serviront probablement plus jamais, à part pour Noël ou pour les fêtes de famille, quoi. Donc c'est un peu triste. C'est le principe toujours de la société de consommation, où on nous pousse à consommer énormément à un moment donné d'un certain style de jeu ou de bien ou de périphérique, pour ensuite les laisser de côté puis passer à autre chose. Et ils vont encore nous vendre autre chose. Là, après, ça va être la Kinect avec les jeux de danse ou la Move. Après, ils vont trouver autre chose, que ce soit de l'holographique ou je ne sais trop quoi. Donc le problème est là, c'est que malheureusement, on a tendance à consommer trop vite de la même chose tout le temps, et puis à s'enlacer très rapidement pour l'oublier, puis le ressortir des paquets peut-être 15 ans trop tard, quoi. C'est ça, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'à un moment donné, c'est bien beau acheter une guitare ici, puis un fusil là, puis d'autres choses comme la PS3 avec les fusils pour aller avec la Move, ouais, ces choses-là. Effectivement. Mais la journée que la PS4 sort, puis que la plupart des gens gardent pas nécessairement leur console d'avant pour faire une collection, ils vont la vendre, des choses comme ça, elle va juste tomber à un moment donné plus bonne, elle fonctionne plus, puis les gens jettent ça de côté. Mais là, tu te ramasses avec plein de périphériques qui servent plus à rien non plus. Exact. Fait que, ah ouais, ça au vidange aussi. Puis là, ben là, ils sortent la nouvelle génération. Fait que ils vont te vendre d'autres choses qui est supposément meilleure encore. Fait qu'on se ramasse toujours. Pas compatible avec l'ancienne. Pas compatible avec l'ancienne. Mais ça, faut donner ça au moins à Nintendo. C'est probablement les seuls qui pensent tout le temps à la rétrocompatibilité. Oui, ça, je dois avouer que. Non, mais comme je dis toujours, j'ai toujours l'impression de bâcher Nintendo. Non, je ne bâche pas tout le temps Nintendo. Comme les gens pensent aussi que je déteste Apple. Non, il y a des choses chez Apple qui m'exaspèrent particulièrement, et notamment ce concept de consommer constamment, d'être obligé d'acheter un nouveau téléphone tous les 6 mois ou tous les 8 mois. Pour moi, c'est une aberration, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Tu vois, je présentais une télévision de Samsung la semaine dernière, qui est le S8000, donc leur prochain top of the line de télévision LED. Qui était assez incroyable. Bon, même si elle est encore chère, c'est normal, c'est toujours comme ça quand ça commence. Ouais. Mais ce qui est le point le plus intéressant, j'ai trouvé, de cette télévision, ou un des points les plus intéressants, c'est la capacité évolutive du téléviseur. C'est-à-dire que si l'année prochaine, ils sortent des modèles quad-core, alors que toi, le tien, c'est un dual-core, tu vas pouvoir acheter juste le module quad-core, et sans technicien, sans rien, le connecter à l'arrière de ta télévision. Ta télévision deviendra donc une quad-core. Donc là, on commence à penser à des modèles intéressants, parce que les gens, ils sont tannés d'acheter une télévision neuve tous les 2 ans. Faut arrêter, parce que c'est bien beau de vouloir acheter des télévisions neuves tous les 2 ans, mais quand tu réfléchis, si ta télévision fonctionne encore très très bien, quel intérêt tu aurais À l'acheter ou à la revendre à un faible prix, puis perdre de l'argent dessus, alors qu'elle est encore tout à fait fonctionnelle. Donc, je trouve ça bien les compagnies qui, justement, réfléchissent un petit peu à d'autres façons de consommer et de consommer sur du plus long terme, entre guillemets, sans tomber dans le classique cliché de l'écologiste qui dit, oh, faut consommer raisonnable. On peut consommer des nouvelles technologies, oui, mais le faire de façon intelligente. Et malheureusement, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore assez de compagnies qui offrent les options qui permettent justement de consommer intelligent, si ce n'est de racheter un iPod ou un iPhone tous les 6 mois, quoi. Ouais, c'est vrai, puis j'avais resté surpris quand t'as dit ça pour la télévision, justement, que tu pouvais changer ton module en arrière. Je disais, ah, c'est totalement brillant, ça. Ben c'est totalement brillant, surtout qu'on sait très bien qu'un affichage, la résolution va pas changer drastiquement d'ici les 4-5 prochaines années. Je vois pas, moi je sais pas, moi Radio-Can ou TVA commencer à broadcaster du 4K pour leurs nouvelles ou leurs émissions. Donc c'est sûr que des télévisions aujourd'hui qui sont en 1080p fonctionneront encore très très bien d'ici 3, 4, 5 ans et seront encore aux normes. Maintenant, effectivement, si les compagnies de télévision continuent à offrir d'autres services comme les services en ligne, comme les services Facebook, Skype, etc., via leur serveur, il va falloir que les téléviseurs change de technique au niveau du système d'exploitation et du processeur. Mais ça implique pas forcément de changer la dalle. Et c'est pour ça que je trouvais cette nouvelle intéressante chez Samsung. Et j'espère que ce ne seront pas les seuls à faire ça et que ça va inciter d'autres compagnies à faire la même chose parce que c'est brillant. C'est certainement brillant. Sûrement, il y a beaucoup de copies dans cet univers-là. À un moment donné, soit, ah, ils ont sorti ça, mais on va faire semblable ou pareil. C'est ça. Mais non, je l'avais trouvé super, super intéressante. Mais c'était quoi? T'as annoncé à 3 600 $, je pense. 3 600 pour la 55 pouces, la 46 est un peu moins chère, elle est autour de 3 000, donc ça reste cher. Mais je dis, rappelle-toi des prix des premières 50 pouces qui sont sortis sur le marché il y a de ça 5-6 ans, c'était de l'ordre du 2 500-3 000 $. Puis elle faisait rien de plus que de la télévision. On Non, parle quand c'est même d'une ça. télévision qui a un dual core, qui fait du Skype, qui fait de la reconnaissance de mouvement, du web. Je veux dire, tu peux quasiment presque te passer de console de jeux vidéo si tu es un casual gamer parce que tu peux jouer à des jeux. Je veux dire, qu'un dual core, tu roules quand même des jeux qui sont tout à fait acceptables sur ta télévision, donc et tout ça sans avoir besoin de console de jeu. C'est pour ça que pour bifurquer sur un autre sujet, on avait parlé aussi du futur des consoles de jeux vidéo. Quand les gens disent que les PC vont disparaître, je rigole parce que les premiers qui vont disparaître, c'est les consoles, c'est pas Oui, les c'est ça. PC. Les premières qui vont disparaître, c'est les consoles. Pourquoi? Parce que, alors, on sait déjà que les prochaines Xbox et PS qui vont sortir seront connectées constamment à Internet. Auront besoin d'être connectés pour fonctionner. Donc déjà là, en partant, ça implique d'être constamment relié au cloud, au nuage, à l'info nuagique. Et je pense sincèrement, quand je vois les améliorations, autant en termes de débit, là je parle pas des prix qu'on paye pour ça, mais juste de la grosseur des tubes par lesquels passe Internet et la puissance que maintenant on réussit à avoir en remote, à distance, avec par exemple le service en live qui offre de jouer sans avoir de machine chez soi, juste un petit boîtier qui te connecte en fait à un ordinateur qui fait tout le rendu et tout le process du jeu pour toi. Je pense définitivement que c'est vraiment le seul et unique moyen qu'ils aient, et là je parle des compagnies de jeux vidéo, de contrôler leur contenu de A jusqu'à Z, parce que là ils vont pouvoir empêcher toute forme de piratage, ils vont pouvoir contrôler qui joue, quand ils jouent, comment ils jouent, avec qui ils jouent, faire du ciblage marketing d'une façon cruellement efficace et s'assurer aussi de revenus permanents et continuels pour jouer, comme c'était par exemple le cas de World of Warcraft qui a connu un succès incroyable et qui, avec quasiment 20 millions de dollars qui rentrent tous les mois dans leur caisse en abonnement, peuvent continuer à développer et offrir d'autres services. Donc vraiment, je pense que les consoles de jeux sont amenées à disparaître après la prochaine génération. On s'en va vers les prochaines PS et Xbox et Wii U, et après ça, je pense que tout ça va être dans le cloud, malheureusement. Directement, tu vas acheter une télévision Microsoft ou une tu télévision vas tu vas tu vas Sony? pouvoir acheter une télévision un peu un pot sur le même principe qu'on achète une console, selon moi. Donc tu vas avoir des télévisions qui vont être compatibles avec Sony, d'autres qui vont être compatibles avec je sais pas moi, Apple par exemple. Il y a des donc ces rumeurs de télévision Apple aussi, ou Ouais, depuis compatibles. plusieurs années. Ou tout simplement si tu veux, les manufacturiers de téléviseurs vont commencer à offrir des kits de développement, si tu veux, au studio. Et à ce moment-là, tu pourras donc avoir une plateforme qui peut très bien jouer du Nintendo, comme jouer du Microsoft, ou jouer du Sony, quoi. Donc, je pense que c'est plus une question de comment est-ce que l'industrie va se structurer au niveau du hardware pour donc offrir comment dire, ces différents dev kits aux compagnies de jeu. Mais c'est vraiment dans l'intérêt des compagnies de jeu de fonctionner comme ça, parce que ça leur assure vraiment un contrôle total de la plateforme, ce qui n'est pas le cas avec une console qui peut être ouverte, qui peut être modifiée, qui peut être changée. Je veux dire, les serveurs qui sont hébergés chez Microsoft, il n'y a pas grand monde qui va aller les ouvrir sans savoir comment ça fonctionne, quoi. Donc ils peuvent s'assurer un maximum de sécurité. Et malheureusement, je pense que les premiers qui vont donc disparaître du marché, ça va être définitivement les consoles de jeu. Puis en tant que gamer, t'en penses quoi? Pas en tant que nécessairement... Je dirais, à la base, heureusement, et pour moi, je suis plus un joueur PC qu'un joueur console. Je joue sur console énormément aussi, mais je suis plus tenté par les jeux PC pour de multiples raisons, parce que je préfère les jeux qui sont un peu plus réalistes, qui sont plus près de la simulation, etc. Donc ça, c'est plus des choses qui s'offrent sur PC. Mm-hmm. Mais sur console, je veux dire, c'est évident que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une offre qui va être probablement multipliée par je ne sais pas combien de styles de jeux possibles et disponibles. Tout ça à partir d'une seule et même plateforme, avec même éventuellement un jour, s'ils deviennent assez brillants pour le faire, une possibilité de jouer entre différentes plateformes, qu'ils ont essayé de faire à plusieurs reprises, qui n'a jamais vraiment fonctionné. Là, pour le coup, ce serait possible. Je veux dire, si ta plateforme, je dirais, de jeux, ça devient un téléviseur ou une dalle d'affichage, et que tu as un OS derrière qui est capable d'héberger autant de jeux Nintendo que Sony, bah, y a rien qui empêcherait les deux compagnies à se parler, puis à offrir finalement des expériences pour que finalement les joueurs Nintendo réussissent à taper sur les joueurs PlayStation et inversement, quoi. Faire une console universelle, puis ça serait les jeux qui seraient... Bah en fait, une plateforme qui serait donc la plateforme avec laquelle tu joues et qui serait ton médium, si tu veux. Et, mm-hmm. et après, ce ne serait que des services offerts un peu à la carte. Si tu vois, au même titre que la télévision à la carte, bah, tu aurais du jeu vidéo à la carte où tu décides, bah, cette semaine, je joue à tel jeu, je le loue pendant tant de temps et j'ai rien, quoi, en fait. Donc, on va aller vers en fait, un achat de contenu évanescent qui ne correspond à rien, parce que le jour où vous n'avez plus de courant, mais vous n'avez plus rien. Enfin, vous n'avez plus d'internet, vous n'avez plus rien, quoi. Donc, vous n'avez plus de jeux, vous n'avez plus de films. Donc, moi, c'est le côté un peu gênant, un petit peu Big Brother. On est carrément sous respiration artificielle. Puis, si le concepteur décide de couper l'alimentation, ben, c'est lui qui a le gros bout du bâton, quoi. Donc, ça, c'est le côté un peu gênant. Un peu comme Ubisoft avec certains serveurs qui ont décidé de changer de place, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, il y avait des jeux que le monde avait achetés légalement. Ouais. Qui pouvaient plus jouer, puis ceux qui l'avaient piraté, ben ils pouvaient jouer. Ben, c'est tout le problème de genre de plateforme. Quand en plus ça débute là, ils sont en train d'expérimenter, de voir c'est quoi les modèles les plus intéressants. Mais malheureusement, je pense que autant l'info nuagique peut être pratique pour d'autres applications. Même si moi j'aime beaucoup Steam, je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça reste quand même quelque chose qui est extrêmement dangereux en termes de liberté de consommation, quoi. Quand moi j'ai appris que SimCity le prochain allait nécessiter une connexion internet et que si vous n'étiez pas connecté vous ne pouvez pas jouer à votre jeu, je trouve ça particulièrement scandaleux. Je veux dire, on a acheté un jeu, on a le droit d'y jouer, c'est obligé d'être connecté. Si ma connexion internet coupe et que je me fais un back to desktop parce que le jeu détecte plus d'internet, je trouve pas ça normal. C'est comme si moi je sais pas moi tu t'es acheté une voiture avec tout ce qu'il faut et puis que tu roulais puis qu'à un moment donné je sais pas moi t'as pas payé ton compte d'électricité puis ta voiture s'arrête, ça a pas de lien direct entre les deux. Je vois pas pourquoi on serait supposé constamment être connecté à internet, même si sachant en plus qu'au Canada et particulièrement au Québec on subit des tarifs prohibitifs sur l'accès à internet. Mm-hmm. Sur la bande passante, je trouve ça inadmissible. Oui, mais on s'en va vers là. Ils aiment ça, vérifier ce qu'on fait tout le temps, puis être sûr que les jeux sont pas piratés. Mais justement, des jeux comme ça incitent les gens à le pirater. Puis souvent, même la personne qui va avoir une copie totalement légale va aller chercher un crack juste pour être capable de pas être tout le temps connecté sur le serveur. Exact. Exact. Comme je me rappelle, avant, ça se faisait aussi. T'achetais un jeu, mais t'avais pas tout le temps envie de sortir ton jeu de la boîte puis de le mettre dans ta machine. T'allais te chercher un OCD, comme on appelait. Mm-hmm. Un truc qui permettait de jouer sans avoir le disque dans la machine. Et puis voilà. Donc, t'achetais ton jeu de façon tout à fait légale, mais t'y jouais entre guillemets de façon illégale parce que t'avais pas le disque dans la machine. Mais je veux dire, ce qui est important pour le concepteur au bout du compte, c'est de le vendre son jeu. Donc, même si le jeu est pas dans la machine, qu'est-ce qu'on en a à faire, sincèrement, tant que le jeu a été acheté de façon légale et permet au concepteur de continuer à en développer d'autres. C'est sûr, parce qu'il faut quand même. À un moment donné, il faut s'apercevoir que si on pirate, à un moment donné, il y a des studios qui vont fermer, qui font peut-être le jeu que tu as trouvé le meilleur au monde. Ouais, puis et il n'y en aura pas un autre. C'est très, très drôle, ce qui me fait toujours rire, parce que sur les torrents, on peut facilement trouver les fameux fichiers NFO qui parlent, donc, qui sont donc les, entre guillemets, les déclarations des hackers à sujet de tel ou tel jeu. Oui, Et oui. les gars mettent toujours, si vous l'aimez, achetez-le, quoi. Donc, c'est ce qui est bien dans le hacking, dans le piratage de jeu, c'est que ça te permet d'essayer un jeu et éventuellement de te pousser à l'acheter. Au même titre que par exemple sur MySpace ou sur iTunes, d'écouter en démo un album et finalement décider à l'acheter. Je pense que ça a encore ce côté-là qui permet juste à des gens de ne pas faire le mauvais choix, comme tu disais tantôt, d'acheter un jeu à 70$ puis de se rendre compte qu'on fait que le jeu est pourri, qu'ils ont perdu leur argent attribué au mois à ce poste-là et qui se retrouvent donc avec un jeu de merde. Donc ça permet au moins à ceux qui n'ont pas les moyens de tester le jeu. Puis éventuellement, s'ils l'aiment vraiment, qui maintenant avec toutes les sécurités qu'on a, on sait qu'il faut acheter pour pouvoir jouer en ligne ou pour même d'occasion. Maintenant, on a même des problèmes alors qu'on achète le jeu légalement d'occasion. Donc je pense que ça heureusement qu'il y a encore ce principe-là qui permet aux joueurs d'essayer des jeux avant de les acheter, parce que les démos, on sent que des fois, c'est un petit peu mensonger quand même. Ils vous font essayer un niveau qui donne pas nécessairement l'idée générale du C'est jeu. ça. Ou qui est le premier niveau qui est super bien fait, puis à la fin du jeu, ils ont coupé les budgets parce qu'ils avaient plus de temps, puis qu'il fallait que le jeu sorte, et tu te retrouves avec un jeu qui est raboté des deux tiers. Donc ça, c'est toujours le problème. Mais bon, on a une telle offre maintenant en termes de jeux vidéo que c'est vraiment difficile de pas trouver chaussure à son pied. Ouais, c'est sûr. Bon, on va passer à un peu comment t'es venu à jouer aux jeux vidéo. Toi, t'es d'origine européenne, c'est pour ça qu'on t'appelle le spécialiste européen. Il a laissé tomber cette ligne-là, Denis. Ouais, Denis, il a fini par me lâcher avec ça. Ça lui a pris quand même du temps. J'ai dû subir ça de longues années. Mais Mais bon, je trouvais ça cute quand même. Je il trouvais ça, je y a trouvais ça pire drôle. comme appellation quand même, donc ça va, c'est pas si mal. Mais disons que oui, je viens de France. Ça fait 20 ans que je suis au Québec maintenant, donc j'ai ma citoyenneté depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. En fait, moi j'ai commencé à jouer comme tout le monde. C'est sûr que moi, à l'époque, en Europe, la première console de jeu, c'était une Atari 2600. Ah, ok. Avec des jeux comme Pole Position, Moon Patrol, E.T., Indiana Jones, bref, name it, Space Invader, Galaxian, Arkanoid, et j'en passe, et des meilleurs. Après ça, j'ai pas mal déménagé, donc on n'avait pas toujours la technologie à l'époque qui nous suivait là où est-ce qu'on était. Donc ça a pris un peu de temps avant que je replonge dedans. Ensuite, j'ai eu un Amstrad 6128. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, ça. C'est un ordinateur donc de la compagnie Amstrad, et à l'époque j'avais déjà un lecteur de disquette 3,5, imagine. Donc c'était les premiers lecteurs 3,5 qui sortaient. J'avais encore des copains qui avaient des ordinateurs à cassette audio, OK, ouais. et faire charger leur bande magnétique pendant une demi-heure avant de pouvoir jouer à un petit jeu. Donc non, c'est ça. Après, j'ai eu ça, puis ben tranquillement, c'est là où j'ai découvert que on pouvait faire autre chose que de jouer avec un PC, parce que c'est sûr qu'au départ c'était assez limité, c'était des petites applications, puis des petits programmes qu'il fallait rentrer en basique à la mitaine pour réussir à avoir tes biorhythmes ou je sais quelle niaiserie. C'était assez c'était les débuts. Et puis après ça, ben c'est ça. Donc ça m'a pris du temps, parce que j'ai pas vraiment trop touché à l'informatique pendant fini aux jeux vidéo pendant quelques années. C'est à partir de l'âge de 19 ans, quand je suis arrivé au Québec, en fait, que je me suis rendu compte que tous les travaux d'école devaient être dactylographié, et qu'il fallait travailler ça sur ordinateur, que je me suis replongé là-dedans. En étant d'abord sur Macintosh, parce que à l'époque c'était encore l'OS qui était le plus facile à apprivoiser, parce que Windows en était encore assez balbutiement. Et puis quand je me suis rendu compte rapidement que tiens, sous Windows il y a des jeux, il n'y en a pas sous Mac, j'ai rapidement fait le switch sur PC, et c'est là où je me suis acheté mon premier ordinateur quand j'étais étudiant, puis que j'ai bouffé des nouilles pendant 6 mois pour pouvoir me payer mon ordi. Et puis j'ai eu mon premier 386 SX 66 MHz, attention, 33 une, MHz, 33, une 33, bombe du temps. 33 MHz avec une carte vidéo de 1 MB, oh yeah. Et où il fallait configurer à la mitaine la mémoire et les conflits d'IRQ entre le modem et la carte son. Enfin bref, oui. Ça va sûrement rappeler des souvenirs aux plus vieux d'entre nous. Des cauchemars. Des gros cauchemars de pourquoi il part pas. À chaque fois que tu t'achetais une nouvelle carte, un nouveau périphérique, il fallait que tu l'as. Ok, quel IRQ qui n'est pas utilisé? Exact. La journée qu'ils ont trouvé une manière de les assigner automatiquement, c'est comme... La location de la mémoire en XMS ou MS, Oh, ouais. j'en passais des meilleurs. Donc après, quand j'ai commencé à jouer dans les PC, ben, ça a été les premiers jeux, les premiers Privateer, les premiers Wing Commander, 386, 486, Pentium 100, Pentium 133. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez AMD, bref, jusqu'à maintenant, où j'ai ma machine qui a maintenant pas loin de 2 ans, puis qui roule encore pas mal tout au maximum. Donc je dois avouer que quand j'ai la question que me posent généralement les gens, c'est quand est-ce que tu changes de machine? Je leur dis, ben, changer de machine quand les compagnies changent de console. C'est pas compliqué. Maintenant, on en est rendu là. Si vous voulez avoir un PC, l'achetez pas avant qu'une console sorte. Ça servira à rien parce que vous pouvez être sûr que ça va être la technologie suivante qui va être utilisée. Parce que maintenant, on sait que la plupart des jeux se vendent beaucoup plus sur console que sur PC. Quoi qu'on en dise, ce qui est normal, et que maintenant, si tu as un PC que tu achètes juste après qu'une console vienne de sortir, tu peux être sûr que les jeux vont pas évoluer pour les 4-5 prochaines années, ou du moins pas de façon significative, au point où tu aies une perte de performance en termes d'affichage, d'image par seconde, ou choses comme ça. Donc, je pense que les PC ont une durée de vie qui tranquillement s'adapte sur celle des consoles, puisqu'on sait très bien que les jeux sont d'abord développés sur console et ensuite portés sur PC, dans la majeure partie des cas. Il y a heureusement encore des jeux qui sont développés exclusivement sur PC, mais ils sont rares. Oui, c'est de plus en plus rare. Donc voilà, c'est ça, un peu que le jeu vidéo. Ben, après, c'est sûr que quand tu commences à découvrir tous les différents univers qui sont offerts, on a tendance à rapidement tomber dedans. Mais j'ai plus de passion, je te dirais, pour tout ce qui est jeux de stratégie, de simulation, des jeux de conduite aussi, les jeux de simulation d'automobile. Je trouve qu'il y a des bons sur console aussi. Il y en a des très très bons sur PC. Ça, c'est un côté du jeu qui m'attire beaucoup. Et puis après, bon, évidemment, ben, ça dépend un petit peu de la vie que tu mènes, mais disons que quand tu as beaucoup d'enfants, ben, forcément, tu as moins de temps pour jouer. Ça va ensemble, hein? C'est comme... Ça, c'est quand tu vois, comme dit toujours, quand tu vas aux fraises, tu vas pas aux framboises en même temps. Hein, donc, tu essaies toujours d'allouer le temps qu'il faut pour rester sain mentalement et puis, et puis pouvoir avoir du plaisir. Mais ouais, le jeu vidéo, ça a été rapidement quelque chose qui est devenu passionnant, parce que c'est quelque chose qui a non seulement influencé la façon dont on vit au quotidien, parce que, je veux dire, faut pas oublier que les premiers environnements, les premiers, entre guillemets, les premières interfaces avec des boutons, avec une souris, etc., c'est les jeux vidéo qui les ont, entre guillemets, démocratisés. Ça existait avant, mais c'était dans des domaines très, très, très, très pointus. Les jeux ont été les premiers à offrir des interfaces 3D, des interfaces avec, donc, à la Windows ou à la Mac maintenant. Donc, c'est le côté qui m'intéressait, le futur va ressembler à ça, en fait, que j'aimais beaucoup dans le jeu vidéo. Et je pense que, comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas fini d'être surpris encore, puisque on se rend compte tout compte fait maintenant que, tu vois, des produits comme la Wii ou comme la Kinect, comme la Move, vont influencer d'autres périphériques, d'autres médias, d'autres façons d'interagir avec la technologie. Et je pense que le jeu vidéo, étant donné que justement ce n'est qu'un jeu, a tendance à rapidement capturer l'attention des concepteurs de technologies, on va dire, plus générales, parce que, comme c'est un jeu, les interfaces doivent être faciles d'appréhension et faciles à apprendre par tout le monde, et que c'est grâce à l'évolution de ces interfaces-là qu'on a maintenant des meilleures interfaces, meilleures interactions avec les machines, que ce soit des machines portables ou des machines fixes, quoi. Le jeu vidéo aide la technologie. Le jeu vidéo, définitivement, sert de laboratoire à plein de technologies. Quand tu vois maintenant que tout ce qui est capture de mouvement et commandes vocales passe sur des téléviseurs, passe sur des téléphones, passe sur d'autres choses, tout ça, c'est à la base venu du jeu vidéo. Donc, je pense que définitivement, le jeu vidéo amène ce que seront nos prochaines interactions avec les technologies dans les prochaines années. Oui. Fait que toi, présentement, tu joues beaucoup sur PC. J'imagine à cause de ton travail, tu es obligé d'avoir presque chaque console aussi à la maison. Ouais, bah, j'ai chaque console à la maison, ça c'est sûr, pour le boulot, puis parce que aussi j'ai beaucoup d'enfants, donc j'essaie de les répartir sur les différentes consoles pour avoir la paix occasionnellement. À deux manettes par console, Voilà, oh, ouais, pas de petit peu. souci. C'est pour ça que j'étais très content quand Little Big Planet est sorti, où on pouvait jouer jusqu'à 4. J'étais là, parfait, c'est un 4 sur la même console, c'est génial. Donc, jeu familial, on les cause là. Exact. Donc oui, j'ai toutes les consoles et puis le PC, mais oui, effectivement, je joue plus, un peu plus sur PC quand même, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, mais je peux très bien m'amuser aussi sur un jeu console, même si maintenant je trouve que de plus en plus les consoles ressemblent à des PC, parce que tu as des mises à jour, parce que tu as la connectivité sur Internet, parce que tu as les retouches, les contenus téléchargeables, les plantages inopinés qui se voient quasiment rarement ou voire jamais avant sur console. Ouais. Maintenant deviennent de plus en plus réguliers. Donc, autant qu'à jouer sur une machine, je préfère jouer sur une machine qui est entre guillemets proactive, donc qui me permet d'être actif sur le réseau. Et c'est ce que les compagnies veulent de moins en moins. Ce qu'ils veulent, c'est des machines qui sont en fait des distributrices de plaisir ludique et non pas des génératrices de plaisir ludique. Parce qu'on voit avec autant la Xbox que la PlayStation, c'est sûr, moins la Wii parce qu'elle est en fin de vie puis elle n'avait pas nécessairement la puissance pour faire ça, même si elle le fait un peu, c'est devenu, vous pouvez louer des films, t'achètes des jeux en ligne sans même avoir à sortir du magasin, même si ça, à mon avis, la manière qu'ils nous servent ça, c'est un peu, on vous donne le droit d'acheter un jeu sans sortir de la maison, fait que, vu qu'on vous fait ça comme service, parce qu'on est gentil avec vous, on vous le vend le même prix que la version en boîte. C'est ça. Mais c'est là où ils sont très forts, tu vois. Là, avant, j'avais un iPod Touch, donc qui est juste Wi-Fi. Mais c'est le jour où j'étais dans mon lit, que j'étais en train d'acheter un jeu en ligne, j'étais là. Ils sont quand même super forts. Ils réussissent à me faire dépenser de l'argent alors que je suis allongé dans mon lit, la lumière éteinte, tout seul, et là je suis capable encore de dépenser de l'argent juste comme ça. C'est là où je me suis rendu compte que effectivement leur modèle d'affaires fonctionnait, et fonctionnait même trop bien. Donc c'est le côté, comme je disais tantôt, du nuage et puis de la distribution en ligne qui me fait un petit peu peur, ce concept d'être constamment la main dans la poche du consommateur pour lui faire cracher la moindre scène, pour changer son fond d'écran ou ajouter un niveau à son jeu, quoi. Ouais, parce que t'es plus libre nulle part, autant que dans le temps, le travailleur, comme le technicien qui était sur la route, était obligé d'appeler au bureau pour avoir son prochain appel de service. Après ça, les pagettes ont sorti, on y envoyait, mais il pouvait quand même se cacher en disant « Ah, où est-ce que j'étais? » Tu sais, j'avais pas de... À cette heure, c'est les cellulaires, fait que tu peux plus te cacher nulle part. Puis là, t'es rendu où est-ce que, avec un iPod Touch, un iPhone, un téléphone Android ou un téléphone Windows Phone, peu importe où ce que t'es, tu peux t'acheter un jeu, tu peux t'acheter une chanson. Tu peux consommer. N'importe où. Il faut que tu consommes. Si tu ne consommes pas, tu n'es pas valable pour la société à l'heure actuelle. Ça, d'ailleurs, c'est triste, mais c'est reflété dans tout ce qui est autour de nous. Je veux dire, c'est que quand tu ne consommes pas, tu ne représentes rien pour la société. Si tu ne possèdes pas, tu n'es rien. Malheureusement, les joueurs actuels sont plutôt évalués sur ce qu'ils possèdent plutôt que sur ce qu'ils sont. Et ça, malheureusement, c'est pas juste au Québec, c'est partout. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Juste le fait que ça prend absolument le dernier iPad, ça prend le dernier téléphone cellulaire. Ouais, exact. La dernière voiture qui vient de sortir de telle marque, ou le dernier ordinateur, ou le dernier écran, ou le dernier clavier, ou la dernière souris, ou je name it. De toute façon, il y a toujours quelque chose qu'il faut acheter pour être au niveau. Bon, après c'est comme dit toujours, c'est le signe extérieur de richesse, quoi. Donc c'est celui qui a la plus grosse qui est le plus important, mais c'est ça qui est un peu triste, malheureusement, puisque ça vient se greffer et nous rattraper dans les jeux vidéo qui sont justement faits pour nous faire oublier toutes ces variables, ces paramètres qui... Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Journey, c'est parce que ça nous sort complètement des normes habituelles du jeu. On n'a pas de chronomètre à respecter, on n'a pas de munitions à aller chercher, on n'a rien à acheter en plus, on n'a pas d'ennemis à aller tuer. Je veux dire, on sort un petit peu de tous ces sentiments qui nous habitent toute la journée quand on est confronté à un abruti sur la route, à un collègue du bureau qui nous casse les pieds, au fait de ne pas avoir assez de cash pour se payer ce qu'on veut. Toutes ces choses-là, je trouve, sont en train tranquillement de rattraper le jeu vidéo, et c'est dommage, parce que le jeu vidéo, selon moi, c'est de loin une expérience qui doit te transposer ailleurs, de là où tu te trouves, et te sortir un petit peu de ta quotidienneté. Et si c'est pour retrouver la même chose dans le jeu vidéo que ce qu'on trouve au quotidien, moi je vois pas l'intérêt. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui adorent The Sims, qui adorent laver leur vaisselle virtuelle alors qu'il y a la leur qui est en train de pourrir dans le lavabo. Moi je vois pas l'intérêt personnellement, mais s'il y a des gens qui savent pas qui s'appelait, tant mieux. Ouais, comme l'histoire du couple japonais qui avait laissé mourir leur enfant parce qu'il jouait Coréen, un Coréen qui jouait ouais. un jeu qui Ouais, était d'élever un enfant. j'en ai entendu une autre encore qui est papier la semaine dernière, d'une Coréenne, il faut croire vraiment que c'est un pays qui a des gros problèmes au niveau de la cyberdépendance, qui était en train de jouer à un jeu sur son ordinateur, qui était aux toilettes, qui s'est rendu compte qu'en fait qu'elle était enceinte parce qu'elle a accouché aux toilettes, puis qui a mis son bébé dans un sac plastique, qui l'a mis dans un stationnement, puis qui est retourné jouer. C'est si tu dis bon, bah ok, pourquoi pas, mais ceci dit, bon, ça trahit d'autres problèmes, c'est pas juste relié aux jeux vidéo. Je pense que ce soit un ordinateur, un livre ou quoi que ce soit, quand tu as des problèmes de dépendance, quels qu'ils soient, ça amène toujours au pire, et malheureusement, c'est le cas à plusieurs reprises. Fait qu'on parlait de jouer. En passant, le Amstrad, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça. Parce que, à ma souvenance, ça s'est jamais venu ici. Ça compétitionnait avec quoi dans ce temps-là? Je te dirais, c'était à peu près l'équivalent d'un Commodore 64. OK. J'ai joué aussi avec des Commodore 64, que à l'époque mon oncle se servait pour faire de la musique parce qu'il était compositeur, donc il servait de ça parce qu'à l'époque c'était très puissant. C'est une bonne machine pour faire de la musique Bah en même ouais, ça temps. marchait très bien, et donc moi j'en profitais pour pendant qu'il jouait pas, donc pour moi jouer vraiment avec des jeux. Mais donc l'Amstrad, non, c'est une marque qui a essayé d'être relancée au même titre que Commodore d'ailleurs, qui a été rachetée je pense par une firme qui essaie de relancer des ordinateurs brandés Commodore. Qui n'ont plus rien de commun avec un Commodore normal, mais enfin ancien du moins, mais qui essaie de revenir sur le marché. Mais l'Amstrad 6128 à l'époque, ça venait avec un moniteur couleur, tout était évidemment intégré dans le clavier, donc tu avais un lecteur de disquette, un clavier complet, hein, c'était quand même dans les ordinateurs intéressants qu'il y avait à l'époque. Et puis on pouvait retrouver des jeux qui étaient peut-être pas les jeux d'arcade qu'il y avait à l'époque en termes de puissance, mais qui s'en rapprochaient. Qui était quand même bien. Ouais. Ça, parce que c'est une console, moi, je n'avais entendu parler parce que je lisais Génération 4, qui était un magazine qui venait d'Europe, qui était dans les seuls magazines francophones que tu pouvais avoir au Québec dans ce temps-là. Fait que souvent, je regardais ça, puis ils parlaient justement à l'Amstrad, mais on ne l'a jamais vu arriver ici. Fait que c'est pour ça que je me rappelais plus vraiment contre quoi ça compétitionnait, On va se faire à peu près cette dans machine-là. la même catégorie. Commodore. À peu près comme alors. À peu près. Puis, dans ta vie de gamer, y a-tu quel jeu qui t'a accroché le plus, que tu pourrais appeler ton Ah, jeu ça, favori à c'est vie? toujours mon jeu favori à vie. Bah, j'ai passé énormément de temps sur des jeux qui n'ont en fait rien en commun. J'ai joué des heures et des heures entières à Wipeout, que ce soit le premier ou le dernier, mais le premier, je me rappelle qu'on se faisait des parties, on avait les pouces plats à la fin. J'ai beaucoup joué aussi à des jeux comme XCOM, c'est pour ça que j'attends énormément la prochaine édition que Firaxis est en train de développer, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Donc XCOM, qui était un jeu de stratégie. Mi-temps réel, mi-turn-based, où tu incarnais en fait les membres d'une équipe qui devait surveiller la Terre, sauver la Terre des invasions extraterrestres. Donc tu avais une sorte de globe terrestre, pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de globe terrestre, un peu à la Google Earth, qui était donc en temps réel, qui tournait. Et donc tu avais des fois des échos qui apparaissaient, donc tu lançais des intercepteurs pour aller shooter les ovnis. Quand tu réussissais, tu pouvais envoyer ensuite une équipe au sol, et là tu passais en mode, donc en vue isométrique. Donc vue de trois quarts en haut, comme les vieux StarCraft ou Diablo par exemple. Command Et and Conquer, des choses voilà, comme ça, là. etc. Et donc là, tu pouvais donc en tour par tour donc dépasser toutes tes différentes troupes qui gagnent l'expérience, pouvaient récupérer des technologies aliens pour les étudier ensuite à ta base, dans tes laboratoires que tu pouvais construire aussi parce que tu devais gérer ta base. Donc c'était vraiment très très bien implanté, et ça a jamais été refait. Et c'est pour ça que je suis extrêmement content que ce soit Firaxis qui fait ça, puisque c'est quand même l'entreprise qui a été fondée par Sid Meier, le créateur de Civilization et de Colonisation. J'étais très content que ce soit son équipe qui reprenne ça. Surtout que le gars qui bosse là-dessus est un fan fini de la licence, donc j'espère qu'ils vont réussir à nous offrir de quoi de très intéressant. Il Puis devrait pas se évidemment, planter. non, il ne doit pas se planter. Puis évidemment, bah dans mes jeux préférés, il y a énormément de jeux de rôle aussi. Donc pour les plus vieux d'entre nous, il y a des jeux comme Daggerfall, qui était un des premiers jeux de Elder Scrolls. Donc ceux qui maintenant connaissent Skyrim, Oblivion, Morrowind, et ben Daggerfall, c'était quasiment un des plus vieux, où ils ont sorti, je pense, quelque chose comme 25 patchs, et puis chaque retouche causé d'autres problèmes qui étaient corrigés par la retouche suivante qu'en créait des nouveaux. Enfin bref, c'était hallucinant. Donc les bugs chez Bethesda, c'est pas nouveau. Évidemment, ben, des incontournables, je veux dire Civilization 4, Diablo, StarCraft, je veux dire Eye of the Beholder aussi dans la catégorie des jeux de rôle, Ultima Underworld, je veux dire, je pourrais t'en nommer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais disons que les ceux sur lesquels vraiment, qui m'ont fait vraiment rester scotché à mon siège au point de me lever à peine pour les besoins les plus élémentaires, c'est vraiment XCOM et puis des jeux aussi. Un jeu de rôle qui était fait de Donjons et Dragons qui s'appelait dans l'univers de Forgotten Realms, mais je ne me rappelle plus du titre, c'était Dark Sun, je pense aussi. J'ai beaucoup joué à Dark Sun, un autre RPG en vue isométrique. Donc, ouais, en fait, pas mal de tout. Après, évidemment, plus tu vieillis, plus tu t'intéresses à d'autres choses, puis plus tu as le choix aussi parce que tu as plus d'argent, tu as des machines plus puissantes. Donc, après, c'est les simulateurs de vol et les simulateurs de course. Ça aussi, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais des jeux de stratégie, je dois avouer que ça vient me chercher particulièrement. Les RTS, tout ce qui est RTS. Ouais, bah, les RTS, bien fait, parce que encore une autre licence que EA nous a détruite, c'est bien des Command & Conquer. Alors, ça, dans le genre Massacre à la tronçonneuse, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère hein, sur ce coup-là. Là. Donc j'espère que le prochain qui vont nous sortir, qui apparemment est un free-to-play, sera bon. Même si j'ai des gros doutes. Free-to-play puis EA ensemble, ça. Ouais, déjà y a, c'est un non-sens. Donc, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais je leur souhaite de réussir leur coup. Donc il y a le prochain qui sort. Puis moi, j'avais une franchise qui, selon moi, est un des meilleurs jeux de stratégie en temps réel ever. Alors il y en a plein qui vont dire StarCraft. Non, c'est pas StarCraft malheureusement. C'est selon moi un jeu qui s'appelle Supreme Commander. Je sais pas si vous avez joué. T'en avais fait la critique, ça, je pense. Ouais, ça remonte c'est à loin. C'est assez récent. Ça, ouais, bah ils ont sorti le deuxième sur console, évidemment, qui selon moi est un désastre. Bah, parce que, pour moi, un jeu de stratégie en temps réel et console, ça marche pas, sauf dans des rares cas. Halo Wars, peut-être? Oui, même pas. Moi, selon moi, le meilleur merge, enfin, la meilleure assimilation d'un jeu RTS aux consoles, c'est de loin le jeu qu'avait fait Ubisoft, qui s'appelait AndWar, qui à l'époque fonctionnait, moi, ce que je l'avais testé sur PS3, qui fonctionnait avec le PlayStation Eye, et donc tu pouvais passer tes commandes vocalement. Et ça a fonctionné, c'était d'une efficacité redoutable. C'est la première fois que je réussissais enfin à me déplacer sur un champ de bataille avec un contrôleur de manette, un contrôleur de console, tout en ayant l'impression d'être vraiment libre et maître de mes mouvements, et ça a fonctionné super bien. Et même si tu n'avais pas l'opulence que tu avais dans d'autres jeux de stratégie en termes d'unité, d'environnement, etc., ça fonctionnait très très bien, et c'était la première fois que ça marchait bien sur console. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à un 10, qui m'a valu la raillerie de mes camarades pendant de longs mois. Ouais, parce que je sais que la version Xbox, je pense qu'il donnait un casque avec pour que tu puisses parler, parce que t'avais pas de PlayStation Eye là, pour la Xbox à l'époque. Mais le jeu était boudé, me semble. Si les gens veulent essayer ce jeu là je pense qu'il se trouve à 9,99. Ça vaut la peine, et vous allez être surpris par l'efficacité de la reconnaissance vocale. Ça marche très très bien, puis il n'y a rien de plus génial de donner des ordres à quelqu'un vocalement, puis de se faire répondre directement tout de suite dans sa même langue, et puis que ça fonctionne, quoi. Donc là, je pense que sur ce coup-là, Ubi, ils avaient une technologie qui était très intéressante. J'espère qu'ils vont la conserver pour d'autres jeux, mais là, c'était la seule application de jeu de stratégie en temps réel sur console que je trouvais vraiment agréable, du moins, à jouer. Non pas stressante ni frustrante quand on n'arrive pas à mettre le piton sur le petit rond qu'il faut à l'écran ou des choses comme ça. Là, ils ont vraiment, vraiment, vraiment réussi leur coup. Non, c'est bien. Je l'avais essayé. J'avais essayé la démo, mais avec la démo, il fallait tout ce contrôle à la manette. J'avais trouvé ça comme... Ouais, moins, c'est un peu décevant. Moins convivial, mais peut-être qu'avec les commandes vocales, j'aurais trouvé ça intéressant. Mais là, tu m'en as nommé tout plein. Si je te dirais un jeu qui sort du lot, vraiment le jeu pour toi qui sort du lot, c'est-tu XCOM? Ouais, j'irais pour XCOM. XCOM. Parce que c'est sûr que des jeux comme Wipeout, c'est des jeux qui m'ont pris, qui sont très prenants au niveau... physique, comme il y en a certains que ça fait rire, mais moi je dis toujours que j'ai eu mon premier orgasme visuel sur Wipeout, et okay. Quand je parle de ça, c'est ça n'a rien à voir avec un plaisir sexuel, je rassure tout le monde. C'est juste, en fait, c'est le seul jeu où parce qu'à l'époque, le premier et le second, quand tu frôlais les bords dans le jeu, soit ton vaisseau s'arrêtait net, soit il ralentissait vraiment beaucoup plus que maintenant. Donc quand tu réussissais par exemple en fantôme ou dans les classes les plus rapides à faire 2-3 tours sans toucher un mur, sachant que ça va excessivement vite, sincèrement, là, je veux dire, ça dépasse l'entendement. Ouais. Tu te rends compte en fait que ton pouce est directement relié à ton œil, ton cerveau est bypassé complètement et c'est vraiment instinctif. C'est-à-dire que tu te rends plus compte de ce que tu fais. Et au moment où tu te prends conscience que tu es en train de réussir à faire ton troisième tour sans avoir touché, c'est là où tu te plantes. Et c'est ce que j'appelle moi un orgasme initial, c'est que tu te rends compte que ton cerveau est complètement court-circuité parce que ça va tellement vite que tu n'as pas le temps d'être conscient de ce qui se passe, sinon tu te plantes. Et c'est le seul jeu qui a réussi à me faire ça. Donc ça, à ce niveau-là, je dois avouer que Wipeout quand même est difficile à battre. Ouais, parce que pour ceux qui pensent qu'ils sont bons dans les jeux de course, Ouais. essayez Wipeout pour C'est le fun. Wipeout ou essayer. Attends, c'était quel autre jeu de course qui m'avait particulièrement frustré par sa difficulté? C'était un jeu de rallye qui n'était pas une licence de Colin McRae qui était fait par quelqu'un d'autre, un autre pilote britannique. Écoute, on discutait avec Bertrand Godin, qui était un ami de Denis, justement de jeu-là, et il me disait ce jeu-là, c'est plus compliqué que piloter un char réel, quoi. Donc, ça, c'était, il y avait des souches de bois qui étaient quasiment à 50 cm de chaque côté des roues de la voiture, et si t'avais malheur d'en frapper une, tu crevais un pneu et t'as été éliminé. Donc, c'était du délire. Donc, dans le genre de difficulté, Wipeout, puis ce jeu-là dont je retrouve pas le nom, mais il faudra que je retrouve à un moment donné. C'était de loin les plus difficiles, mais je dois avouer qu'XCOM en termes de durée, là, ça m'a fait lever très peu de mon siège et très peu dormir. C'est bon, c'est des jeux qui accrochent. Très. Si je vais avec le contraire, ton pire jeu que tu as joué à vie, là je parle vraiment, t'en as Un jeu. testé des jeux, t'en Le as. problème, c'est que c'est le genre de truc qu'on oublie, c'est comme les mauvais souvenirs, tu sais, t'essaies de les oublier. Le pire jeu auquel j'ai joué, écoute, j'ai joué, je me rappelle, un simulateur sur simulateur d'avion 3945 sur Wii qui était une catastrophe. Mais bon, j'en ai joué aussi sur PC qui était des catastrophes, donc c'est pas parce que c'était sur Wii. Et ça, je dis ça à tous les Nintendo fanboys qui vont m'écouter, qui vont me dire, ah, il est encore en train de bâcher Nintendo. Non, non, je blase pas Nintendo. Je sais pas si Maxime Tremblay écoute le podcast. C'est ça. Sinon, le pire jeu, écoute, dernièrement, j'essaie de voir à quoi j'ai joué dernièrement que j'ai trouvé catastrophique. Ben, j'ai été très frustré en fait. En fait, je dirais plus qu'à d'être un pire jeu, c'est surtout parce que des jeux catastrophiques, il y en a tous les jours. Le problème, ce sont les jeux qui génèrent beaucoup d'attentes et qui sont excessivement décevants. Dragon Age 2, tu vois, ça a été une énorme déception. Vraiment, j'ai été tellement déçu par ce jeu-là. On en parlait tantôt. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup déçu. Mais là, tu vois, tu me poses la question à froid, puis peut-être que, en y repensant un peu plus longuement, je pourrais te dire, ah bah oui, évidemment, il y a ce jeu-là ou jeu-là ou jeu-là. Mais les jeux qui, en général, me mettent sur un rail du début jusqu'à la fin sans que je puisse rien faire, pas outre, pas rien faire, mais disons qu'avoir une liberté d'action limitée, sont à la base des jeux que je trouve pas intéressants. Donc, c'est peut-être pas des mauvais jeux, mais pour moi, je trouve ça pas bon. Mais sinon, là, tu vois, un titre comme ça, vite fait, là, j'ai du mal. Parce que, comme je t'ai dit, les mauvais jeux, c'est comme le reste, c'est de les oublier, quoi. Donc, je m'en rappelle pas tout de suite, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à ta question plus précisément. Ah, c'est correct, d'abord, je vais me contenter de ça. C'est parce qu'à date, c'est le quatrième épisode que j'enregistre. Ouais. Puis à date, j'ai un gagnant. J'ai un jeu qui a été nommé deux fois. Ah, qui était? Et par Bruno Georget et par Dominique Simard, qui était E.T. sur l'Atari 2600. Oh oui, bah oui, c'est vrai. Et j'ai. Pas mal d'accord avec cette idée-là. J'y ai rejoué récemment et même à l'âge vénérable de 40 ans, je comprenais toujours pas ce qu'il voulait que je fasse dans le jeu. C'est vraiment. C'est vrai qu'E.T. a été particulièrement pire, surtout quand tu réussissais à trouver je me rappelle des petits trucs qui brillaient, je savais plus ce qu'il fallait que tu retrouves, mais il fallait que tu retrouves des petits trucs qui brillent. Et quand tu les retrouvais, tu étais là, ouais, c'est cool, j'ai trouvé ça brille, c'est unique, mais j'en fais quoi? Enfin, c'est vrai que c'était assez obscur comme jeu. Savais pas ce qu'il fallait que t'ailles, puis là, tu tombais Exact. dans des trous. Dans des trous. Ouais. Oui, puis ici, E.T., on sait qu'il a des petites pattes, hein, fait que sortir des trous, c'est pas facile. Il fallait que tu comme t'étires le cou, mais en t'étirant le cou, tu étais capable comme de voler puis de sortir du trou jusqu'à temps qu'un méchant vienne te chercher puis qu'il te ramène comme à Washington. C'était vraiment que ça avait aucun rapport, c'était vraiment pourri. Comme quoi, les jeux qui sont faits à partir de films, hein, ça fait de la merde depuis très longtemps. Ça fait très longtemps. Puis c'est aussi ce qui a commencé le crash du jeu vidéo dans ce temps-là, Oui. c'est qu'il a sorti tellement de jeux pourri d'un coup que les gens se sont dit, ah, ça vaut pas la peine, moi j'arrête. Puis E.T. est classé, regarde sur Wikipédia des choses comme ça, E.T. est classé comme un des jeux qui a vraiment lancé le crash du jeu vidéo des années 80. que ça peut dire. Je suis même pas surpris, hein. Même pas surpris parce que c'est vrai que c'est surtout bah, c'est Atari qui avait quand même connu une croissance hallucinante dans à cette époque-là et puis qui est tombé d'autant plus haut. Parce qu'autant sur l'Atari 2100, tu y as joué toi aussi, Ouais, ouais. il y avait des perles là-dedans. Moi, je me rappelle avoir joué à Pitfall, puis je Ouais. rejouais, puis je rejouais, puis je rejouais, puis pourtant, tu finissais le jeu, puis tu arrivais au bout, puis ton bonhomme gelait, puis il n'y avait plus rien qui se passait, mais tu avais fini le jeu. C'est pas de crédit, pas de félicitations, pas rien, tu arrivais au bout, puis c'était fini, puis c'était... That's Tu sais, là, tu recommençais, parce que t'avais pas, on n'a pas le budget qu'on avait aussi aujourd'hui pour se payer un jeu différent, ou C'est des... ça. T'sais, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Ah, iPod, attends, Angry Birds vient de sortir. Je vais jouer à Angry Birds dans ce temps-là. C'était. Fallait que ça. tu sortes chez distribution au consommateur pour aller Exact. chercher ton jeu vidéo. Exact. Exact. Fait que là, vous autres, Monsieur Net, la 2000e s'en vient. C'est quelque chose. Ben écoute, C'est un gros chiffre, 2000. c'est un gros chiffre. C'est vrai que ça fait plus de 13 ans que l'émission existe maintenant. C'est vrai que c'est l'émission qui est la plus longue à l'heure actuelle sur les ondes de, enfin la plus vieille du moins sur les ondes de Musique Plus. Donc ça, on en est très fiers. Et écoute, même si on a un animateur qui lui aussi est le plus vieux quasiment de la station. Je peux te poser la question? Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui se demande quel âge qu'il a, Denis? Quel âge a Denis? Disons qu'il a plus d'un demi-siècle. On va arrondir. Ok, non, c'est beau. Non, parce qu'il a vraiment pas l'air de ça. Tu sais, pour l'avoir rencontré, je disais, j'avais de la misère à dire, je l'écoutais à Musique Plus quand j'étais plus jeune. Je le sais qu'il est plus vieux que moi, qu'il a 40 ans. Tu sais, mais je me disais, je le vois pas si vieux que ça, parce que tu le regardes, puis il a l'air jeune, il est tout. Tu sais, puis tu te dis, je peux pas. C'est un des seuls gars que je regarde, puis je peux pas dire quel âge qu'il a à peu C'est près. encore un grand adolescent, je te le confirme. Ouais, Avec ben. Mais ben. les bons et les mauvais côtés. Il y a pas le choix dans le domaine qui œuvre, là. Il y a Ouais, pas le c'est choix de sûr. rester jeune. C'est Mais clair. c'est une personne que j'ai vraiment de la misère à savoir quel âge qu'il a. Fait que ça donne une idée. On donnera pas d'âge précis. Il le dira s'il veut. Pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. Fait que la 2000e, je sais qu'il y a un gros party qui s'en vient. Voilà, on fait un gros parti pour l'émission. Donc, il va y avoir probablement quelques souvenirs qui vont rappeler des moments mémorables de l'émission à ceux qui nous suivent depuis longtemps. Donc, on va essayer de retrouver des bloopers. Quoiqu'on n'en ait pas beaucoup de bloopers quand même, parce que comme on fait du direct, généralement, on essaie de se rattraper assez rapidement plutôt que d'avoir l'air cave le plus longtemps possible en onde. Donc, on n'a pas vraiment de bloopers, mais on va avoir probablement quelques vidéos pour nous rappeler des grands moments de l'émission. Et puis, donc, il va y avoir des trucs pour s'amuser sur place et puis du monde en studio avec des vieux collaborateurs qui vont être là aussi. Donc, on va essayer de faire ça aussi agréable pour nous que pour les gens qui nous regardent, évidemment. Puis d'avoir peut-être pas autant de monde que One Direction, mais avoir quand même quelques fans dans la rue. Mais si c'était drôle quand le Denis, vous avez fait votre show tout de suite après One Direction, puis Denis dit, ben, j'aurais pensé qu'elle est restée pour moi, mais là, ils sont tous partis. C'est pas le même auditoire du tout. Non, c'est pas le même auditoire, mais vous avez vos fans bien précis. Oh, on a quand même ça, je dois avouer, c'est pour ça que l'émission est encore là, hein. C'est grâce aux gens qui nous suivent et ça, on sera toujours très reconnaissant. C'est pour ça qu'on essaie toujours de se renouveler sans forcément toujours réinventer la roue, mais en offrant toujours quelque chose d'un petit peu nouveau avec des nouvelles chroniques, des nouveaux chroniqueurs, des nouvelles sections. On a essayé de mettre un peu plus de fil là-dedans parce que c'est vrai qu'on était quand même majoritairement que des gars dans l'émission. Puis maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles qui jouent, donc on s'est dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de filles dans l'émission aussi. Non, Et c'est vrai. on voulait pas des filles qui soient des potiches et qui soient juste là parce qu'elles sont cute, mais on voulait des filles qui soient des gameuses. Donc toutes les filles qui sont sur l'émission, à part quelques-unes qui sont pas spécifiquement reliées aux joueurs au domaine du jeu comme Camille DG et puis Catherine Matisse qui sont plus des filles qui sont spécialisées dans les réseaux sociaux et les choses comme ça. Toutes les autres qui font des critiques de jeux sont des malades de jeux vidéo. Et sincèrement, il y en a certaines auxquelles je me frotterais même pas, quoi. Je veux dire, Andréane. Andréa. De baba, là, je veux même pas essayer de la battre en Gears of War, je vais me faire déchirer, quoi. Donc, non, non, non, sincèrement, il y en a. Puis, même Steph Harvey, là, qui est quand même championne du monde C'est pas Team Fortress, mais Counter-Strike ouais, 1.6. c'est ça. Je veux dire, on a des grosses pointures quand même en termes de gaming, donc on est bien content. Et puis, on a quand même en 2000 émissions réussi à faire pas mal d'entrevues, que ce soit Moi, j'ai déjà, quand j'ai déjà fait des entrevues avec Miyamoto, le créateur de Mario, avec Peter Molineux, avec, on parlait tout à l'heure de Blazinski, il y a encore, donc, tu sais, je sais pas moi, Warren Spector. Donc, tout ça, c'est des gens que, quand tu les rencontres, t'es toujours un peu impressionné parce que c'est des mecs qui ont fait des jeux qui t'ont marqué. Ils ont une réputation, là. Réputation, ça, c'est quasiment des maîtres, entre guillemets, de l'industrie. C'est sûr que rencontrer un Miyamoto, c'est toujours impressionnant. Rencontrer un Warren Spector, c'est toujours impressionnant. Mais c'est des gens qui sont assez accessibles, très simples. Et puis, en 2000 émissions, on en a quand même fait pas mal. On a fait aussi le créateur de Rez, de Super Mario 64, pas 64, mais Galaxy. On a fait quand même plein de trucs. Puis aussi, on a assisté à des événements complètement hallucinants. C'est que ceux qui ont participé, qui ont eu la chance de participer aux anciens E3, comme on disait, qui était le E3, entre guillemets, avant crise économique, où Sony faisait des parties qui devaient valoir entre 5 et 10 millions de dollars. C'est des choses qu'on voit plus de nos jours. Et ça, on a eu la chance et le privilège de pouvoir les vivre. Donc, c'est ce qu'on essayait de faire vivre un petit peu aux gens quand on venait de là-bas. En montrant les topos, puis en essayant de divulguer l'énergie qu'on avait sur place, quoi. Puis vous attendez combien de personnes à votre party du 2 millième, ben, à écoute, peu près? Le studio peut contenir 300 personnes, donc considérant qu'on en a quand même facilement, on va dire, une bonne quarantaine, cinquantaine d'invités, ça laisse quand même encore pas mal de places. Donc je sais que les places se remplissent très très vite si c'est pas déjà complet. Donc après, il va falloir faire des tirages si éventuellement on a trop de monde qui veut venir participer. Mais on va essayer d'être le plus cool possible, puis tout en respectant les règles de sécurité, parce que malheureusement, il y a des règles qu'on peut pas dévier. Quand il y a tant de personnes en studio, ben c'est tant de personnes, puis si c'est plus, ben on a des problèmes avec les autorités. Donc on va pas faire n'importe quoi non plus, mais on va essayer d'être le plus ouvert possible pour faire participer un maximum de personnes, quitte à faire sortir et rentrer les gens à la suite les uns des autres, pour que chacun puisse venir dire salut et puis discuter un petit peu avec nous, quoi. Ça va être intéressant. C'est un beau chiffre à atteindre. Ça montre que vous êtes, comme tu disais, vous êtes capable de vous renouveler, parce que vous avez changé de concept une couple de fois. Ce nouveau concept-là, je pense que c'est-tu la deuxième saison du concept? Deuxième ou troisième? Deuxième, je pense. Deuxième, ouais. Puis au début, j'avouerais que les deux, trois premières émissions, j'étais là, jamais, il me semble que j'étais attaché à l'ancien concept. Ah, on se prend facilement à des modèles, hein, dedans. Puis après ça, mais plus que la saison avançait, puis ah non. Puis là, aujourd'hui, je retournerai pas à l'ancien concept. Non, c'est ça, merveilleux. Moi, même si je t'avouerais que théoriquement, nous aussi, au début, on était un petit peu sceptiques. L'année dernière, on avait mis plus de débats, puis tout compte fait, ça, c'était pas évident. C'était un petit peu longué, un petit peu lourd. Donc on a encore revu un peu la saison aujourd'hui. Enfin, cette saison, il va y avoir encore des modifications pour l'année prochaine. Donc on essaie toujours de, comme je te disais tantôt, d'évoluer sans non plus casser le moule auquel les gens sont habitués, puis réussir à conserver un contenu et surtout à fournir le maximum de contenu en un minimum de temps, parce que c'est tout le défi. Et là, c'est que sur une demi-heure d'émission, on a à peu près 24 minutes officielles où on peut parler. Je te parle de 24 minutes, donc c'est le bonjour, les au revoir et tout ça compris. Donc il faut réussir vraiment à pacter le maximum de contenu qu'on puisse mettre en 24 minutes, sachant que ceux qui nous regardent aussi ont aussi internet, suivent aussi les nouvelles. Donc il faut réussir à trouver des choses qui sont pas forcément accessibles dès le premier regard sur internet, mais où il faut aller creuser un petit peu, ou des exclusivités ou des choses comme ça. Et c'est ça qui peut être toujours évident, de réussir à offrir un contenu qui est différent de celui qu'on trouve sur internet, tout en étant crédible et en argumentant ses propos, quoi. Mais je pense que ce qui donne aux gens la certitude que votre crédibilité, c'est justement le fait que si un jeu est plate, vous allez le planter. Si un bidule que vous testez fonctionne mal, vous allez le dire. Et ça, c'est clair. Ça, on changera jamais à ce niveau-là. Puis, la direction est très au clair avec nous. Ils savent très bien que c'est pas parce qu'une compagnie fait telle combien de promotions que nous, on va changer notre contenu. Alors, des fois, oui, on a telle partie d'émission est commanditée par un tel, mais ça n'empêche pas que si le jeu c'est de la merde, ben on dira que le jeu c'est de la merde, malheureusement. Mais ça, c'est fait partie de. C'est ce qui fait aussi, comme tu disais, qu'on est en onde depuis assez longtemps. C'est parce que les gens savent qu'ils peuvent nous faire confiance, que quand on dit qu'un jeu est bon, ben c'est qu'il est bon, ou du moins que la personne qui l'a essayé le trouve bon. Après, bon, évidemment, ça dépend des goûts, et je veux dire, moi, Denis met des notes à des jeux, moi j'aurais peut-être plus, peut-être moins, et inversement pour d'autres chroniqueurs. Donc ça, c'est très personnel après, c'est comme n'importe quoi. Mais on essaie toujours d'être le plus objectif possible, et d'offrir surtout aux gens la formation nécessaire à faire les bons choix, surtout au niveau des achats, parce que ça coûte tellement cher maintenant que, c'est depuis toujours, mais donc ça continue de coûter très cher encore. Donc si on peut aider les gens à dépenser leur argent comme eux l'entendent pour avoir le résultat que eux veulent, tant mieux. Oui, mais vous faites un bon travail pour ça. Puis faut dire oui, ça fait des années, les jeux coûtaient cher déjà quand j'étais jeune, mais l'offre était moins grande. C'est ça, l'offre était moins grande et puis on en avait pour notre argent aussi. Hein, tu sais, on n'avait pas des jeux qui duraient 5 heures, quoi. Non, puis je regardais justement Pitfall. L'autre jour, je regardais la vidéo du premier Pitfall sur l'Atari 2600. Puis t'avais, je pense, c'était 20 minutes pour finir le tableau. T'avais un décompte, puis t'avais 20 minutes. Fait que théoriquement, ton jeu te durait 20 minutes, puis on paierait quand même 45$ pour, à peu près. Ouais. Puis aujourd'hui, on chiale des fois parce qu'un jeu nous offre 6 heures de jeu. OK, il nous coûte 70$, mais dans ce temps-là, c'était pire encore. Mais c'est sûr, c'était pas la même technologie, puis on n'était pas où ce qu'on en est aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Mais ça reste qu'on payait cher pour pas beaucoup d'heures de jeu aussi dans ce temps-là. Mais le marché était Fait plus que des petit, fois, donc ils en ouais. vendaient moins, donc ils avaient, tu sais, y a, pour le problème du jeu, c'est que si on veut vraiment se faire une idée assez précise de où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, c'est qu'il y a tellement de variables qui rentrent en jeu à prendre en considération pour te faire une idée objective que des fois ça donne un peu de tournis, puis tu dis bon, laisse faire, et puis on verra bien où est-ce qu'on s'en ira. Et même des fois, les analystes les plus chevronnés aux États-Unis prévoyaient que des telles compagnies ou telles compagnies allaient se planter, et tout compte fait, ils ont réussi admirablement. Donc c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Non. C'est une industrie qui est autant elle peut être très novatrice, autant elle peut être très conservatrice sur certains points. Donc c'est vraiment pas évident de réussir à appréhender l'industrie puis savoir où est-ce qu'elle sera dans 10 ou 15 ans. Non, surtout que tu regardes le Rock Band, puis comme on parlait, Rock Band, Guitar Hero, qui flottait sur une vague Ouais, incroyable bon. pendant quelques années, puis tout du jour au lendemain, pow, Fini. c'est mort, fini. Fini. Donc Fait, ça c'est. peut arriver à d'autres. Ah, ça peut arriver à tout le monde, que c'est sans que ce soit une question de moyens ou quoi que ce soit. Hein, je veux dire, il y a souvent, j'avais discuté avec Dave Perry, qui est le créateur maintenant de Gaikai, qui est un service de distribution en ligne aussi, mais qui avait fait des jeux comme MDK. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, MDK, Oui, qui est oui, oui, oui, le premier jeu à première personne où tu avais un sniper dans le jeu. C'est lui qui l'a apporté. Des jeux comme Sacrifice, des jeux comme Earthworm Jim. Donc ce gars-là me disait, faut que l'industrie du jeu vidéo fasse attention parce qu'elle va être confrontée au même problème que le comic book américain dans les années 80, c'est qu'à force exact. de vouloir plaire à tout le monde, on plaît à plus personne. Et tranquillement, on est en train de s'en rendre compte. Si l'âge des joueurs continue d'augmenter, c'est parce que le renouvellement de la population ne se fait pas derrière. C'est-à-dire que les jeunes joueurs, ils embarquent pas. Les jeunes, ils sont pas en train de jouer comme on le croit à des jeux vidéo constamment. Ils sont sur Internet, ils sont sur leur Facebook, ils sont sur leur Twitter, leur Pinterest, etc. Et le jeu vidéo, malheureusement, c'est plus le moyen de s'amuser entre guillemets numériquement numéro 1. Et si ça, comme je disais tantôt, si l'âge des joueurs continue d'augmenter, c'est parce que les joueurs vieillissent et que le marché vieillit aussi avec lui et qu'il faut que l'industrie du jeu vidéo fasse gaffe parce que il faut qu'elle continue de suivre son marché et à force de vouloir plaire à tout le monde, ils vont perdre ce marché-là qui est le marché qui les suit depuis toujours et ils vont finir par se planter. Et ce qui s'est passé, comme me disait donc David Perry avec les comic books américains et qui maintenant recommencent à prendre un petit peu de comment dire du poil de la bête parce qu'il y a des jeux vidéo de moi maintenant qui backent des grosses licences de films, C'est ça. mais ils reviennent de très très loin, le comic book américain, très très loin. Et je pense que l'industrie du jeu vidéo doit faire aussi attention parce que ça pourrait lui pendre au nez assez rapidement. Ça pourrait. On va peut-être le voir arriver, puis ça va se renouveler. À un moment donné, certaines compagnies vont devoir vraiment se renouveler, puis venir reconquérir le monde Exactement. plutôt que. Parce que là, présentement, on est pris pour acquis. On est pris pour acquis, puis c'est de la surexploitation à un moment donné. Donc, je veux dire, faut arrêter autant en termes de franchise qu'en termes de façon de entre guillemets de s'offrir ces jeux, quoi. C'est ça. Fait que Tristan, je te remercie beaucoup. Fait plaisir. Ça a été super le fun de jaser. Ouais, c'est passé vite. Ça passe assez vite. Ça fait déjà 1h40 quelque chose qu'on enregistre. C'est déjà super bien. C'est le fun que tu aies accepté. Je sais que tu es un gars super occupé, mais pour t'avoir rencontré une couple de fois, je savais que tu étais super sympathique. Je Quand savais il que le s'agit de monde parler aimerait de ça. gaming, j'en suis toujours trop du temps. Même quand on n'a pas dormi beaucoup. C'est pas grave ça, on Non, dort bien quand on sera c'est mort. secondaire. Une bonne sieste dans l'après-midi, c'est Voilà, parfait. ça va faire Fait l'affaire. que merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi. Bon 2000e. Je vous en souhaite un autre 2000 parce que c'est un. Je le sais, puis je me dis un jour, tu sais, parce que j'en ai parlé un peu avec Denis déjà, c'est pas le créneau de Musique Plus, cette émission-là. Vous sortez du lot avec cette émission-là. Tu sais, c'est pas quelque chose Non, qui on va. n'est pas à Z, on n'est pas à Jeux vidéo plus, là, on est à Musique plus, là, C'est effectivement. ça. Fait que c'est pas une émission qui fait comme, ah oui. Tu sais, c'est normal. Une émission de jeux vidéo avec les Kardashians puis des choses que tu sais, ça détonne. Puis C'est étonnant. pourtant, vous êtes une émission que le monde suive puis tout ça. Fait que je me dis, le jour que Denis va être tanné puis va décider, bon, ben moi j'en ai assez, je fais d'autres choses, quelque chose comme ça. C'est vraiment l'émission qui passe à la télévision présentement qui va me faire le plus de peine de perdre. Fait qu'à chaque fois, tu me dis, ah, ben la saison prochaine, ah, ben cool, une autre saison, tu sais, Bah on va écoute, en prendre. jusqu'aux dernières nouvelles, on est là l'année prochaine. En tout cas, moi, si on n'est pas là, je le sais pas, mais logiquement, on est supposé l'être, ouais. Fait que on va prendre un autre 2000 émissions, là. On va passer notre commande comme ça, comme fan, là. On va Bah passer à la écoute, commande à Musique Plus. on va essayer d'être toujours aussi performant et d'essayer d'être toujours aussi drôle, puis de faire des jokes aussi plates. Ben, vous êtes pas plate. Puis je voudrais dire quand je sais que Denis était pas là un petit bout de temps, il avait parti, il y avait des choses personnelles, puis t'avais remplacé. J'avais trouvé que t'avais fait une job incroyable, là, vraiment, Ah là. bah c'est très gentil parce que j'ai pas eu beaucoup de feedback sur cette période assez obscure de ma vie où Ouais, j'ai non. animé Monsieur Net pendant un mois et demi. Et j'ai appris ça assez au dernier moment, donc je dois avouer que c'était un petit peu une surprise. Puis quand tu es chroniqueur, puis quand tu animes un show, c'est pas du tout la même affaire. Non. Donc surtout en direct. Donc bah écoute, tant mieux. Si au moins ça a plu à quelqu'un, c'est déjà mieux. Non, et non, mais faut que je te le dise. Je voulais te le dire justement. C'est Je t'avais gentil, pas dit quand je merci. t'avais rencontré, mais je trouvais que tu avais fait vraiment une belle job. C'est très Puis gentil. ma femme écoute Monsieur Net avec moi aussi tous les soirs, puis elle te regardait, puis elle disait, ah, il est vraiment bon, hein, tu sais, il fait une bonne job, tu sais. Écoute, Fait que. si plus de monde peuvent le dire à la direction, pourquoi Ah, fait que vous pouvez écrire à auditoire@musicplus.com, mais dites-leur que vous aimez Tristan. pas? Voilà, dites-leur que vous aimez l'accent français à la télévision. Ah, c'est merveilleux. Je trouvais ça cute, comme je te disais, qu'il t'appelait le spécialiste européen, parce que c'était évident pour tout le monde que tu avais un accent Ça, français. pourtant, je fais pas exprès Mais. hein, de le garder, hein, je vous jure. Hein, ça fait 20 ans que je suis là, puis les expressions, je les pogne, il n'y a pas de problème. Mais l'accent, je peux pas. Je peux même pas. Même si je devais me forcer pour garder le français, je fais même pas exprès. Donc, Ben, je faut suis pas que tu désolé. le perdes. C'est comme ça que les gens t'aiment puis te connaissent. Garde-le, c'est parfait comme c'est. Là, change rien. Parfait, bah super, je vais essayer de garder mon super accent français, qui n'est pas un accent parisien au passage, hein. Je viens de Marseille, hein, alors pas d'insultes, s'il vous plaît. OK, bon, fait que c'est clair, c'est net et c'est précis. C'est cool. Merci, Tristan. Si Luc, bonne journée. Bye, toi aussi. Ciao.